Bienvenue sur Podcast Science pour une soirée radio dessinée en direct du CERN. Une soirée radio dessinée, c'est une émission de Podcast Science en direct et en public, constituée non pas d'un long dossier, mais de plusieurs brèves interventions sur un thème particulier. Les chroniques sont agrémentées d'illustrations, réalisées en direct par les dessinateurs du collectif Strip Science. Présentation dans un instant. Installé au-dessus du plus grand instrument scientifique de tous les temps, le LHC, un collisionneur de particules de 27 km de long, nous allons deviser joyeusement autour du thème suivant. Les instruments scientifiques sont-ils les cathédrales du 21e siècle ? Nous sommes le samedi 23 août 2014 et c'est l'épisode 183. Bonsoir et bienvenue. Alors, notre studio n'est pas du tout virtuel. Ce soir, nous aurons avec nous, pour assurer la partie radio de cette soirée, nos invités. Tout d'abord, Bruno Mansoulier. Bruno est directeur de recherche au CEA, membre de l'expérience Atlas depuis 1990, l'une des très grosses expériences du LHC. Bruno nous expliquera d'ailleurs ce que veut dire le mot « expérience » dans ce contexte particulier. Il est présent sur le site du CERN depuis 2011. Bruno va nous expliquer comment on organise et coordonne des équipes de 3000 physiciens qui bossent sur la même expérience. Bonsoir Bruno. Bonsoir. À nos côtés également, enfin elle n'est pas physiquement à mes côtés en ce moment, elle se trouve dans la salle, un peu cachée derrière, mais elle nous rejoindra tout à l'heure. Despina Atsifotiadou. Despina est chercheuse à l'Institut National de Physique Nucléaire en Italie, à Bologne. Elle nous parlera de l'expérience ALICE, sur laquelle elle travaille en ce moment. ALICE est une autre grande expérience du CERN. Bonsoir Despina. Nous entendrons Bertrand Nicvert, ingénieur, coordinateur de projet ici au CERN. Il est l'un des concepteurs d'Atlas. Bertrand n'hésitera pas à comparer les bâtisseurs d'expérience d'aujourd'hui aux bâtisseurs des cathédrales d'autrefois. Bertrand est lui aussi caché quelque part dans la salle. Bonsoir Bertrand. Et enfin, Julia Hoffman, chercheuse associée ici au CERN. Julia a participé à la découverte du boson de Higgs à Atlas. Elle traque désormais la matière noire et l'antimatière grâce à AMS-02, dont elle nous parlera, un détecteur placé non pas sous nos pieds, mais à 400 km au-dessus de nos têtes. Bonsoir Julia. Une immense bienvenue à tous les quatre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et c'est pas tout. La plupart des membres de l'équipe de Podcast Science ont pu faire le déplacement, sauf Robin, qui a peur de la physique, comme vous le savez, même si elle sert de prétexte à retrouver les copains. Sophie Rennes aussi, qui est quand même un peu loin. Irène est aux États-Unis, pour ceux qui ne sont pas au courant, à Santa Barbara. Si on refait la même édition au Tevatron, je suis sûr qu'elle sera des nôtres. David aurait dû être là, mais après avoir traversé l'Irlande en car, il s'est aperçu hier matin à 5h, au moment de procéder au check-in à l'aéroport de Dublin, qu'il n'avait pas son passeport. David, je suis sûr que tu nous écoutes. Ça doit être un grand moment de solitude. On t'envoie un gros câlin. Parmi les présents de l'équipe, vraiment présents, Nico Tup, venu de Paris, jouera les Monsieur Loyal en relayant à l'antenne les productions de nos dessinateurs préférés, comme il sait si bien le faire. Nico présentera également une chronique et nous présentera ses cathédrales conceptuelles très personnelles. Non, non, je n'ai pas dit délire de matheux. Salut Nico. Johan, l'astrophysicien que vous avez déjà entendu à deux reprises sur Podcast Science, nous rejoint maintenant, rejoint l'équipe pour la cinquième saison. Il est venu lui aussi de Paris. Toujours la tête dans les étoiles, c'est lui qui fermera la marche en nous révélant qui, du jet d'eau de Genève ou de la porte de Brandebourg ou du nouveau télescope européen, l'emporte. Question gigantisme. Salut Johan, il est quelque part. Bienvenue. Et dans l'intervalle, j'assurerai la partie récréative de la présentation en vous racontant l'histoire des trois princes de Serendip entre deux cachets d'aspirine. Et nous entendrons également en fin d'émission notre ami David Loureiro, ou devrais-je dire notre confrère podcasteur, hôte de l'excellent Lisez la science. Il est caché ici devant. Est-ce que j'ai parlé de Julie ? Non, j'ai pas encore parlé de Julie. Donc Julie est venue de Nice. Elle ouvrira les feux dans un instant, nous présentant sa toute première chronique sur Podcast Science. Donc Julie, c'est la personne qui assure la magie de Podcast Science, qui assure tout, qui fait fonctionner la baraque depuis les coulisses. Elle nous emmènera sous terre et nous verrons avec elle les défis derrière la construction du tunnel sous nos pieds. Programme dense, mais qui s'annonce passionnant. Nico, un mot sur les dessinateurs ? Alors du côté dessinateur, on a aussi du monde. On a d'abord des gens de Strip Science qui commencent à être des habitués des soirées radio dessinées, à savoir FIP, et c'est Lapin, Mel, qui est juste là, et Gleb, qui avait déjà dessiné aussi à une soirée radio dessinée. On a à distance Inti et Randall Flag, qui sont des habitués de la chatroom. Et enfin, on a le dessinateur résident de Podcast Science, à savoir Pouillot, tout au fond. Et on va essayer de transmettre les dessins tout au long de la soirée. Merveilleux. Bah, il n'y a plus qu'à attaquer. Julie, la parole est à toi. Alors, avant de considérer les instruments scientifiques comme des cathédrales ou pas, il y a une étape préalable qui me semble primordiale, leur construction. On n'a pas toujours affaire à des ouvrages extraordinaires lorsqu'il s'agit d'instruments scientifiques. Je me suis donc intéressée à celui qu'on avait là, sous nos pieds, le tunnel du CERN. Et il se trouve que sa construction est déjà en soi exceptionnelle, notamment en termes de dimension et de précision, bien sûr. À l'origine, le tunnel a été construit pour héberger le LEP. L'idée commence à germer dans les années 70, en 81, le projet est validé. On lance un appel d'offres, plusieurs entreprises répondent, et en 83, le projet est attribué à Eurolep. Alors, c'est un groupement d'entreprises françaises, suisses, allemandes, espagnoles et italiennes, pour la partie tunnel classique. Il y a une zone un peu différente à creuser, j'y reviendrai, sous le Jura, qui a été attribuée à une autre entreprise spécialisée, GLLC. Donc, il faut savoir qu'avec ses 26,66 km, le tunnel du CERN est le sixième plus long tunnel du monde, toutes catégories confondues. À noter que c'est quand même le plus long tunnel qui ne sert pas au passage de voitures ou de trains, mais à la recherche scientifique. En plus de ses dimensions impressionnantes, il possède une particularité géométrique, c'est un anneau, enfin presque. En tout cas, il n'a pas d'extrémité. Et ça, ça le rend assez unique par rapport aux autres tunnels de cette ampleur. Parce que habituellement, quand on fait ce type de construction, on préfère qu'il y ait une sortie d'un côté et une entrée de l'autre. Bon, ok, on a donc un tunnel aux dimensions impressionnantes, mais ça n'implique pas nécessairement que ça a été compliqué à construire. Donc avant de commencer les travaux, il a fallu déterminer le tracé. La majorité du tunnel se trouve en France, notamment en raison de la différence de réglementation entre les deux pays. En Suisse, il aurait fallu faire un référendum si on avait voulu sortir des terrains du CERN. Ensuite, la seconde étape pour réaliser ce projet d'ampleur, ça a été d'analyser la nature du sol. C'est une donnée qui est indispensable avant le démarrage de tous les chantiers. Sur 90% du tunnel, on avait un bon sol. C'est de la molasse, une roche nitro-molle, c'est idéal pour creuser un tunnel. Bon, cette molasse se trouve sous une couche de sable d'épaisseur plus ou moins variable et dans laquelle on peut trouver des nappes phréatiques. Et j'y reviendrai aussi. Mais dans l'ensemble, on n'était pas trop mal. Il est quand même resté 3 km sous la chaîne du Jura, on n'a pas pu les éviter. Et là, on a du calcaire avec des failles géologiques, c'est pas franchement idéal, mais avec une entreprise spécialisée, ça se fait. Donc maintenant, deuxième étape fondamentale, c'est le phasage des travaux. Donc comme le sondage de terrain, c'est parfaitement indispensable. Donc on avait plusieurs ouvrages à construire qu'on peut répartir en deux types. Donc les puits d'accès, il y en a 18 en tout. Donc c'est pour amener les machines, les expériences, le personnel, enfin tout. Et ensuite, les tunnels. Donc on avait prévu un phasage afin d'optimiser le délai des travaux. Donc normalement, on devrait voir l'image du tunnel, un schéma. Donc il y a des petits carrés numérotés de 1 à 8, ça représente les différents points d'entrée. Et en fait, à chaque point d'entrée, il peut y avoir plusieurs puits. Donc la première étape, ça a été bien sûr de construire les puits d'accès pour pouvoir amener les machines et les hommes qui devraient travailler dans le futur tunnel. On a donc creusé des trous qui pouvaient aller de 30 mètres, donc ça représente déjà un immeuble de 11 étages, à 150 mètres, ça représente quand même 55 étages, c'est déjà pas mal. Donc les accès sont créés, on peut attaquer le tunnel à proprement parler, donc pour ça on utilise des engins qu'on appelle tunneliers, c'est assez clair comme mot, et qui sont faits sur mesure pour l'occasion. Donc l'objectif était d'utiliser deux tunneliers partant du puits 8, donc à peu près au milieu, on avait trois tronçons à faire vers la gauche et quatre à droite. Donc le premier travaille du point 8 au point 3 et le second du point 8 au point 4. C'est simple, c'est logique, ça marche bien quoi. Comme ça arrive souvent, ça s'est pas passé comme prévu. Pour créer les puits d'accès au niveau du point 8, il fallait traverser une nappe phréatique, donc avec laquelle on pouvait absolument pas interagir parce que ça fournissait l'eau pour le coin. Il existe plusieurs techniques pour traverser une nappe. Une que je trouve intéressante, c'est la technique de la congélation. Donc on creuse jusqu'à presque atteindre la nappe phréatique, on insère des tubes dans lesquels on fait circuler un liquide refroidissant, et une fois que l'eau est gelée, on découpe le bloc par lequel le futur puits doit passer, et on traverse la nappe dans des conditions sèches, puisque toute l'eau est gelée. Donc cette intervention qui n'était pas prévue a demandé beaucoup d'argent, mais surtout beaucoup de temps, et ça a compromis l'avancement des tunneliers. Alors, il se trouve qu'en plus, il y avait au même moment une grève des ouvriers, donc ça n'a pas aidé. Si vous avez suivi, on a retardé la mise à disposition du puits 8, qui était le point de départ de nos deux tunneliers. Donc, en conséquence, on a dû revoir le phasage et un peu moins optimisé, comme on peut le voir sur le schéma, s'il apparaît. Donc, le tunnelier 1 a fait la portion 1-2, puis ensuite on l'a amené au point 6-4, entre les points 6 et 4, pardon. Ensuite, le tunnelier 2 a fait la portion de 8 à 6. Et là, on s'est rendu compte que le chantier avait pris trop de retard, qu'on n'arriverait pas à livrer en temps. Et donc, on a mis les grands moyens. On a mis un troisième tunnelier donc, pour boucler les parties de 8 à 1 et de 2 à 3. Donc, c'est un peu plus désordonné. Puis, à chaque fois, au lieu de tracer tout droit, on a fait ressortir les tunneliers pour les faire redescendre vers leur nouveau point de départ. C'est vraiment pas terrible. Donc finalement, côté Jura, où c'était censé être plus compliqué, bah, ça s'est plutôt bien passé. On a eu une petite fuite, enfin plusieurs même, des petits travaux de renfort pour l'étanchéité, mais rien de bien problématique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Un autre point très intéressant sur la construction, c'est la précision avec laquelle on a dû bâtir le tunnel. Quand il s'agit d'infrastructures routières ou ferroviaires, le tracé est important, mais si on s'écarte de quelques dizaines de centimètres, ce n'est pas forcément catastrophique. Dans le cas du LEP, on ne pouvait pas s'écarter de plus quelques centimètres de la trajectoire prévue. Donc pour ça, on a utilisé, pour la première fois probablement en Europe, le système de navigation Navstar, donc en fait c'est le GPS, en complément des techniques utilisées habituellement pour servir de guidage. Donc il a ensuite fallu reporter au niveau du tunnel, donc à environ 100 mètres sous la surface du sol naturel. Et pour ça, on ne peut pas utiliser un fil à plomb, parce qu'il faut tenir compte de la courbure de la Terre. Mais bon, le résultat, c'est qu'au terme de la construction, l'écart maximum par rapport à la trajectoire prévue est de seulement 8 cm sur des tronçons de plus de 3 km. Donc, beau travail quand même. Le tunnel, c'est l'enveloppe, donc c'est pas ça qui est réellement utile. Ce qui compte pour le CERN, c'est ce qu'on y a mis dedans. Et là encore, on a relevé de sacrés défis. Donc je ne pourrais pas détailler les différentes étapes de mise en place pour le LEP, puis le démantèlement pour le LHC. Il y a quand même une chose que je voulais aborder, c'est la mise en place des éléments pour CMS. Donc on a dû faire descendre par les puits 15 pièces, allant de 250 tonnes à 1920 tonnes. Donc 1920 tonnes, pour vous donner une idée, c'est le poids de 5 Boeing 747 au décollage, donc chargé. C'est énorme, on a à cette occasion encore fabriqué une grue portique sur mesure. Finalement, avant de pouvoir réaliser les avancées incroyables qui ont été faites au CERN, il a déjà fallu réaliser un ouvrage vraiment exceptionnel en termes de construction. Les techniques utilisées, l'ampleur du chantier, le coût, le temps record qu'il a fallu pour le construire en font un objet digne des cathédrales en matière de construction. Merci beaucoup Julie. Alors on a quelques minutes à disposition si vous avez des questions à poser à Julie. Et puis on verra également, je propose qu'en attendant que les questions arrivent, on demande à Nico Tup ce qui s'est passé du côté des dessinateurs. Alors du côté des dessinateurs, ça y est, je suis déjà surchargé, donc tout va bien. Déjà on a eu des dessins avant que ça commence. Il y a Gleb qui se demandait si on allait commencer à l'heure, mais on est bien en Suisse, donc on a commencé à l'heure pour une fois. Mel, qui a fini son dessin un peu plus tard mais qui avait commencé à dessiner avant, nous révèle que les dessinateurs sont assez timides avec un dessin où elle explique que les émissions de radio c'est sympa sauf qu'il y a tout un public. Les lapins se sont échauffés, sinon il y a un lapin prêtre qui est arrivé en découvrant que c'était certes des cathédrales mais pas exactement les mêmes cathédrales que celles qu'il aimait bien. Il y a moi qui ai fait un truc où il y a un mec qui cherche où est la cathédrale et il découvre qu'elle est 100 mètres sous terre. Après, il y a eu des taupes par FIP et moi, une taupe qui dit qu'on ne parle pas assez de l'impact des dégâts du LHC chez les taupes. Et sinon, une taupe qui tombe amoureux d'un ingénieur du CERN. Et voilà, et sinon Gleb qui fait une référence à la particule de Dieu, qui est un nom assez décrié. Je pense qu'on y reviendra peut-être, quoi. Et il y en a trois autres qui arrivent, mais on en parlera la prochaine fois quand j'aurai eu le temps de les voir et de les mettre en ligne pour que tout le monde les voit. Formidable, merci. Alors sur Twitter, on a plein de gens qui félicitent Julie pour sa première. J'en profite pour te féliciter aussi. Et on a une première question dans la salle. Ouais, j'ai une question qui est plutôt liée à la durée de vie de l'installation. J'ai compris durant la visite qu'une partie de l'installation créée à l'origine était également utilisée pour le LHC actuel. Est-ce qu'on sait combien de temps peut durer et fonctionner le premier accélérateur d'origine? Merci Xavier. Je pense que Bertrand est probablement une meilleure personne pour répondre. Donc la réponse est que le premier accélérateur qui s'appelle le synchrotron à protons, le PS, a été inauguré en 1959 et qu'il tourne toujours. C'est-à-dire qu'il sert d'injecteur pour l'ensemble de la, ce qu'on appelle le complexe d'injection, y compris du LHC. Ça veut dire qu'on a comme pour projet, effectivement, que le synchrotron à proton, qui a donc maintenant une bonne cinquantaine d'années, 55 ans, il va tourner encore au moins une vingtaine d'années. Donc on est sur des 70, 75 ans de durée de vie et peut-être davantage. Alors ça ne veut pas dire non plus que l'ensemble des composants qui sont installés aujourd'hui dans le PS, le synchrotron à proton, sont d'origine. Il y a des choses qu'on a changées, l'électronique, des choses comme ça. Mais les aimants d'origine sont pratiquement tous, une grosse partie des culasses des aimants sont d'origine, et le tunnel, les installations techniques sont d'origine. On les a juste un peu rénovées dans les deux dernières années. Formidable, merci beaucoup pour cette réponse très précise. Si on n'a pas d'autres questions dans la salle... Non, je propose qu'on enchaîne alors avec Bruno Monsoulier, qui veut nous parler de la sociologie des grandes collaborations. Bruno, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, donc j'ai supposé que vous savez déjà tout de la science qu'on fait ici, du boson de Higgs et tout ça. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler plus de l'aspect humain des grandes expériences comme Atlas, CMS et Alice aussi, puisqu'on parlera d'Alice. Donc déjà, pour clarifier un peu, le mot expérience prête un peu à confusion, parce que pour tout le monde, une expérience, c'est je mélange un produit jaune avec un produit vert et je regarde si le résultat est bleu ou rouge. Alors c'est pas du tout ça. Ici, quand il fonctionne, le LHC produit 500 millions de collisions de protons à chacun des quatre points d'interaction, donc par seconde, 500 millions de collisions par seconde, 24 heures sur 24. Et autour de ce point, il y a le grand détecteur dont vous avez vu les images, comme Atlas, ou CMS, ou Alice, ou LHCb. Donc en fait, une expérience ici, c'est plutôt un observatoire de collisions. Donc on observe les collisions, on les trie, on enregistre les plus intéressantes, on les analyse et on publie les résultats. Donc le CERN lui-même est responsable de construire l'accélérateur, le LHC, puis de fournir les faisceaux de protons et de provoquer les collisions. Et puis les expériences observatoires sont, elles, conçues et animées par des collaborations qui sont constituées environ chacune de 200 équipes provenant du monde entier, donc pas du tout des employés du CERN, et à peu près 3000 physiciens et ingénieurs par collaboration, dans les très grandes, Atlas et CMS. Alors on pourrait penser que le monde s'est divisé, s'est réparti les expériences, c'est-à-dire, je sais pas, l'Asie et Europe dans Atlas, puis USA dans CMS, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Chaque pays a des équipes dans les deux ou dans les quatre mêmes expériences. Par exemple, en France, il y a des labos, il y a à peu près 15 laboratoires de physique des particules, et il y a Paris, Orsay, Marseille, Annecy, Clermont dans Atlas, et puis Polytechnique, Lyon, Strasbourg dans CMS. Et quant à mon labo d'origine à moi, qui est le CEA à Saclay, il a une équipe dans Atlas et une équipe dans CMS. Et aussi une équipe dans Alice, d'ailleurs. Voilà, donc c'est un petit miracle que toutes ces équipes arrivent à fonctionner ensemble, à s'organiser, à concevoir le détecteur en commun. Il faut faire des plans qui marchent, On va aussi réaliser, chaque équipe réalise un morceau de l'expérience dans son propre laboratoire, on apporte tout ça au CERN, après c'est un gigantesque puzzle, il faut que tout s'emboîte, tout marche, et au point de vue électronique, les signaux se transfèrent les uns dans les autres, etc. Et en fait, ça marche très très bien. Donc c'est pas pour rien que le web a été inventé ici au CERN pour permettre justement ce fonctionnement très compliqué en réseau. Mais tout de même, il faut un peu d'ordre dans tout ça, il faut un peu d'hiérarchie, il faut des chefs et des sous-chefs, alors on n'a pas le droit de dire que c'est des chefs. Donc le grand chef d'une expérience, d'une collaboration, on l'appelle un spokesperson, c'est-à-dire un porte-parole. C'est pour vous dire que ce n'est pas du tout un chef. Puis en dessous, il y a des conveners, c'est-à-dire des animateurs. Donc un convener, ça peut avoir des très très grosses responsabilités. Par exemple, pendant la construction, si vous êtes conveneur, vous pouvez diriger le travail de 200 ou 300 personnes et puis passer des commandes dans l'industrie de plusieurs dizaines de millions de francs suisses ou d'euros. Mais vous n'êtes pas un chef. C'est-à-dire que vous n'avez aucune autorité réelle sur les gens qui dépendent de vous. Par exemple, les carrières, les avancements ne dépendent pas du tout de vous, ils dépendent de leur labo d'origine. Donc c'est très intéressant. La seule arme pour diriger, c'est le consensus. C'est d'établir un consensus. Donc c'est très beau sur le principe. Bon, il y a des jours où vous êtes responsable, comme ça, conveneur d'un gros morceau. Vous voudriez pouvoir dire à quelqu'un, ah non, toi, ton groupe, ça suffit. Non, vous ne pouvez pas. Il faut convaincre. Et ça marche à cause de la motivation de tout le monde, la motivation de tous et de chacun, et le sens profond de l'intérêt commun. Alors, ça pose quelques difficultés, parce que, par exemple, les publications, les résultats scientifiques sont signés par 3000 auteurs. La découverte de Higgs est signée par 3000 auteurs dans Atlas et 3000 dans CMS, par ordre alphabétique, c'est-à-dire pas d'ordre, contrairement à d'autres domaines scientifiques où il y a des premiers auteurs, deuxième auteur, etc. Bon, chez nous, non. Alors, comment on reconnaît le travail de chacun et le mérite de chacun, et en particulier des jeunes? Il faut savoir que dans les collaborations, c'est une chose très, très passionnante et très bien, c'est qu'on a énormément de jeunes, la moitié des physiciens ont moins de 35 ans. C'est des étudiants et des post-docs. Mais une thèse, par exemple, c'est souvent un travail qui est très parcellaire, très pointu. Alors, à l'intérieur de ce petit dopinter, ça va être très riche. Hein, l'étudiant, il va développer des nouvelles méthodes, etc. Mais ce qui va en sortir pour la publication finale, par exemple, dans un papier important comme la découverte du Higgs, ça va être un chiffre ou une ligne ou un mot. Donc, c'est difficile de reconnaître le travail de chacun dans une collaboration comme ça, assez floue. Hein. Donc, les collaborations ont mis en place des systèmes de prix de la meilleure thèse, puis des systèmes de notes internes où il y a une liste d'auteurs plus restreinte que les 3000. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un certain problème de reconnaissance des gens dont il faut être conscient. Et ça peut poser des problèmes, par exemple, pour trouver un emploi après sa thèse face à d'autres disciplines où le gars peut dire « Moi, je suis premier auteur de 10 publications. » Voilà. Donc, pour résumer, puisque j'ai très, très peu de temps, les collaborations sont quand même des expériences humaines absolument fascinantes. Puisque mus par une motivation commune, hein, des centaines de groupes de toute nationalité, de toute culture, tradition, religion, croyance, vont travailler ensemble, et en fait, assez bien, ça marche quand même assez bien. Bon, l'exemple qu'on cite souvent dans CNS, il y a des Indiens et des Pakistanais qui travaillent ensemble. Donc c'est un mode très moderne d'organisation, on parle souvent d'organisation en réseau, nous on le fait, c'est très aidé par les réseaux informatiques, hein, évidemment, le web, les Twiki, les réseaux sociaux même. Et chacun, là-dedans, peut se développer, s'enrichir de sa propre recherche et puis du contact des autres, et puis surtout apprendre à penser et à convaincre. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nico, un petit point sur les dessins en attendant les questions? Donc, on a, oui, plein de dessins. Donc, un dessin de Mel, d'abord, où il y a deux Japonais devant le plan du LHB qui disent « Bon, ça vaut pas Notre-Dame ». Les lapins qui font grève parce qu'ils veulent qu'on creuse dans la glace sans les gants, ça c'était une référence à ce qu'avait raconté Julie juste avant. Pouillot qui explique que le CERN c'est un peu comme une histoire d'amour, il y a ses hauts et ses bas et qui rappelle une fameuse panne de 2008. Ça arrive, on en a parlé dans les visites, c'est pour ça qu'on en a entendu parler. Sinon, un dessin de FIP qui dit, où en gros il y a deux protons qui expliquent qu'il faut ralentir dans les tunnels pour pas qu'il y ait de collisions. C'est vrai que c'est une des rares fois dans la vie où on est content d'avoir des collisions, quoi. Et enfin, une idée d'automail sur le chat mis en image par Mel, où un vent scientifique qui dit ah, un anneau pour les accélérer tous, et qui dit que donc le LHC c'est un peu le Lord of the Ring de la physique. Ok, on a une première question qui est remontée de la chatroom ou de Twitter, je ne sais pas, c'est notre community manager d'un soir que j'ai oublié de présenter d'ailleurs en introduction, c'est Chalf que vous avez pu entendre dans le podcast numéro 144, c'était notre barman, vous pouvez donc voir la tête qu'il a, recruté à la dernière minute par Xavier Durussel. Donc une première question adressée à Bruno, la personne sur Twitter donc, se demandait comment a été résolu le problème des unités de mesure métriques ou impériales. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on est en métrique depuis le début? Comment est-ce que vous gérez les anglais, en fait? Au CERN, c'est métrique. Tout est métrique au CERN. Donc la question ne s'est jamais posée. Bon, sinon, moi, j'ai mon labo, justement, il y a des labos européens qui participent à des expériences aux États-Unis, qui participaient, par exemple, à Chicago sur le Tevatron. Et là, ça a posé quelques problèmes d'apporter son détecteur entièrement en métrique dans un détecteur entièrement en impérial. On finit par apprendre que la clé de 3 huitièmes, le boulon de 3 huitièmes, on peut le serrer avec une clé de 8. Ce qui est sans doute très pratique pour les réglages fins. On a une question de Billy dans la salle. Billy a fait le déplacement de Paris, elle est là avec nous ce soir. Salut Billy. On t'écoute. Je me demandais, quand il y a autant d'équipes qui travaillent ensemble, j'imagine qu'il y a des technologies spéciales qui se mettent en place. Et est-ce que ça pose pas problème pour des brevets éventuellement? Qui est-ce qu'on profite? Est-ce que c'est possible? Comment ça marche? C'est peut-être pour Bertrand. Que je sache qu'en principe, les découvertes réalisées au CERN ne peuvent pas faire l'objet de brevets, mais ne peuvent pas non plus être utilisées par quelqu'un d'autre pour faire de l'argent avec. Mais je pense qu'il y a quand même un plan de valorisation au CERN. Je pense que Bertrand sait plus que moi là-dessus. Bertrand ? Le web, par exemple, n'a pas été breveté, peut-être malheureusement, parce que si à chaque clic, on gagne un centime d'euro, on pourra construire beaucoup, beaucoup de LHC. Alors, peut-être une petite précision, en fait, il arrive qu'on brevette les choses pour éviter que d'autres le brevettent et fassent de l'argent avec. La fonction du CERN, l'une des fonctions du CERN, c'est effectivement d'assurer le transfert de technologie Effectivement, le web est sans doute l'exemple le plus éloquent. Et on, pour éviter qu'une entreprise qui même éventuellement a d'ailleurs co-développé une technique puisse en profiter, on fait un brevet pour éviter qu'elle se saisisse de la propriété intellectuelle des découvertes. Effectivement, le CERN n'a pas vocation à faire d'argent sur les découvertes qui sont faites. Mais du coup, est-ce que les publications du CERN sont sous licence Creative Commons par exemple, ou pas du tout ? Alors là, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Je vous conseille d'ailleurs sur la notion de open information. Effectivement, la tendance au CERN, c'est de dire que tout ce qui est publié est public, et même le CERN a contribué à la mise en place d'un nouveau modèle économique où elle partit. Alors, je n'ai pas les détails, donc je ne vais pas rentrer dans des détails que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, mais effectivement, où ce n'est plus le modèle du journal qui publie et qui vend très cher ses publications, mais un modèle différent de mise en place du type Creative Commons. Ok, merci. On a encore une question, Xavier ? Ok. Du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec la présentation de Bertrand Nickvert, justement, qu'on vient d'entendre. Bertrand Nickvert, qui va commencer avec panache en ouvrant avec une quote. On vous écoute, Bertrand. Oui, Saint-Exupéry a écrit « Les pierres du chantier ne sont en vrac qu'en apparence. S'il est perdu dans le chantier un homme, serait-il seul, qui pense cathédrale. Quiconque porte dans le cœur une cathédrale à bâtir est déjà vainqueur. » On commence très fort. Oui, depuis que nous avons découvert le célèbre boson de Higgs, nous sommes ici effectivement tous un petit peu vainqueurs en fait. Et nous avons tous dans les yeux l'étincelle de fierté d'avoir gagné une particule de Nobel. C'est que nous avons appris effectivement à porter dans le cœur une cathédrale à bâtir, cette cathédrale des sciences du XXIe siècle, qu'est le détecteur Atlas. Je ne parle pas de CMS, mais je pense très fort à eux, bien entendu. Alors Bruno a bien eu raison de parler de petits miracles à propos de l'organisation d'Atlas et de sa conception en commun, de sa réalisation en morceaux, et puis d'ajouter à tous ces morceaux apportés au CERN, s'emboîtent correctement, fonctionnent ensemble et atteignent des performances extraordinaires. Je voudrais justement ici tracer le parallèle entre Atlas et les chantiers des grandes cathédrales du Moyen-Âge pour nous aider à comprendre finalement comment nous avons réussi ce petit miracle. Alors ce parallèle, on peut le tracer sur plusieurs plans, tout en faisant bien attention à ne pas le surinterpréter, parce que comparaison n'est pas raison, n'est-ce pas ? Et puis l'analogie n'est pas toujours jolie. Alors dans Atlas, les seules prières qu'on adresse sont celles des ingénieurs et techniciens qui veulent faire marcher leur engin, et celles des physiciens qui rêvent d'observer des phénomènes nouveaux dans des territoires inexplorés. Et si un jour, certains ont effectivement eu la grande mauvaise idée qu'on a évoquée tout à l'heure d'appeler le boson de Higgs la particule de Dieu, c'est parce qu'ils ont confondu une particule sacrée avec une sacrée particule, au sens de sacrément difficile à attraper. Et ça, c'est vraiment la pure vérité, puisqu'il a fallu presque 50 ans de trac pour arriver à la capturer enfin. Alors 50 ans, voyez-vous, on approche déjà des durées des chantiers médiévaux. Prenons la cathédrale de Chartres. La reconstruction, après un incendie, a commencé en 1194, pour se terminer vers 1220, c'est-à-dire à moins de 40 ans, ce qui est un record pour l'époque. À Atlas, on a eu peine à faire beaucoup mieux finalement, parce que le projet a été imaginé grosso modo en 1984, même si ce n'était pas sous cette forme, et il a été approuvé en 1994. Et l'installation du détecteur s'est donc achevée en 2008 pour observer des premières collisions en 2010. La consécration de la cathédrale, en quelque sorte. Alors, côté dimension, la caverne d'Atlas mesure 53 mètres de long et 35 mètres de haut. Rien donc à envier aux 37 mètres sous voûte de Chartres et aux 44 mètres de longueur de sa nef. Et pour Atlas, l'ensemble s'étend depuis 100 mètres sous terre, sur 10 mètres de fondation, jusqu'à une bonne dizaine de mètres au-dessus du sol, soit, disons, entre 110 et 115 mètres en tout. Hauteur de la flèche de Chartres, 115 mètres. Eh oui, les volumes sont vraiment comparables. Alors cette voûte, parlons-en, n'est-elle pas une prouesse architecturale ? Savez-vous qu'elle a été fabriquée, la voûte, avant les murs qui la soutiennent ? C'était pour préserver l'espace intérieur de la caverne qui n'était pas encore creusé à cause du tunnel dont a parlé Julie tout à l'heure et qui contenait l'accélérateur qui fonctionnait encore à l'époque pendant les travaux de génie civil. Alors, comme il n'y avait pas de mur, on a soutenu la voûte par plusieurs dizaines de filins d'acier, comme le manteau d'un pont suspendu 30 mètres de large quand même, c'est-à-dire à peu près celle, la largeur du viaduc de Millau. Alors prenez maintenant la structure du toroïde, ce gigantesque aimant là, qui remplit presque à lui tout seul la caverne d'Atlas. Avec ses 8 longs fûts, ne dirait-on pas des colonnes horizontales, des piliers de la terre souterrain ? Ne rayonne-t-il pas à l'image de la grande rosace de Notre-Dame de Paris, et avec un diamètre double de celle de Paris ? Et puis, n'est-il pas aussi foisonnant que le palmier du couvent des Jacobins à Toulouse ? Remarquable. Ne dirait-on pas aussi le point de convergence d'une croisée d'ogives, comme celle qui surplombe le cœur de la cathédrale de Nuremberg ? Alors, je me suis amusé à faire un jour un photomontage que j'ai mis dans le dossier que vous retrouverez, parce qu'évidemment, si le résultat est confondant, il est peu visible à la radio. Mais bon, vous avez tout un tas de moyens modernes pour communiquer aussi les images. Alors, la statuaire d'Atlas, elle est d'une autre esthétique, hein, plus contemporaine, si vous voulez, disons un peu moins bestiaire et gargouille que Notre-Dame, avec tous ses fils, ses tubes, ses tuyaux, ses aux arabesques qui sont très très libres. Alors, les trésors d'ingéniosité qu'il a fallu déployer pour intégrer tous ces morceaux de détecteurs, ce que Bruno tout à l'heure appelait le gigantesque puzzle, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que des installations avec des objets qui font 25 mètres de long, qui pèsent chacun 100 tonnes, et qui rentrent les uns dans les autres avec des marges de quelques centimètres, n'est-ce pas finalement comme ajuster, à l'aide de ces cages à écureuils, les pierres d'un vaste édifice ? Heureusement, nos ponts roulants ont une meilleure précision que les cage à écureuil, et puis ne nécessite que la pression du doigt pour vous soulever tout ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Un physicien a écrit, autre citation, « Les cathédrales médiévales résumaient la connaissance de l'époque. La zoologie dans la statuaire, la mécanique dans l'équilibre des structures, l'astronomie et les mathématiques dans les horloges. On exposait ainsi la synthèse du savoir scientifique le plus avancé alors. Atlas représente aussi une culmination des connaissances actuelles, le détecteur, met en œuvre les technologies les plus performantes pour une recherche qui frise l'ésotérisme. » Rien à ajouter, sauf peut-être le rôle de l'être humain dans cette affaire, déjà évoqué un peu par Bruno, mais sur un tel chantier n'œuvrent pas les seuls physiciens, armés de tournevis lumineux, de scotch orange et d'oscilloscopes étranges. Oh que non, les corps de métier ont été au fil des ans moult et fort variés. Terrassiers, maçons et maçonnes, farailleurs, bétonneurs, serruriers et boulonneurs, géomètres, mécaniciens, pontiers, tireurs de câbles, poseurs de tuyaux, cryogénistes, c'est-à-dire spécialistes des grands froids, magnéticiens, non, j'ai pas dit magnétiseurs, hein, magnéticiens, et puis des électromécaniciens, des électroniciens, des informaticiens, des câbleurs de fibres optiques, sans oublier, bien sûr, les gestionnaires de projets, coordinateurs de planning, contrôleurs des comptes et pourvoyeurs de finances, que sais-je encore. Ne sont-ils pas tous ces corps de métier, finalement constitués d'hommes et de femmes passionnés, à l'image des confréries et corporations d'autrefois ? Gâcheurs de mortier, maçons, tailleurs de pierre, sculpteurs, bûcherons, menuisiers et charpentiers, forgerons et ferronniers, facteurs d'orgue et souffleurs de verre, maîtres de l'œuvre et du tracé. N'est-ce pas, finalement, de leur savoir-faire et de leur rigueur, de leur ardeur à la tâche, que nous, les bâtisseurs de détecteurs, avons su nous inspirer pour construire notre cathédrale de la science ? Alors, une petite parabole pour conclure. À trois tailleurs de pierre, occupés avec leurs outils sur le chantier d'une cathédrale, ces trois questions. « À quoi es-tu occupé ?»« À gagner ma vie, » répond le premier. « Et toi ?»« À tailler la pierre, » répondit le second. « Et toi ?»« À bâtir une cathédrale, » répondit l'artisan initié. Alors, au fil des ans, ingénieur, donc actif au sein de la coordination technique d'Atlas, j'ai appris que le chantier finalement est réussi quand chacun remplit ses trois rôles simultanément. S'investir dans une finalité qui nous transcende, en s'impliquant dans des tâches concrètes, autonomes et coordonnées tout de même, et qui nous apportent une reconnaissance, même anonyme et collective, à l'image de ces marques lapidaires, ces traits d'identification qui sont sculptés par le maçon sur chacun de ces blocs de pierre et qui disparaissent une fois celui-ci mis en place dans l'ouvrage. C'est le signe de l'accomplissement individuel de sa tâche et de son humble insertion dans l'œuvre collective. Pour la gloire, non pas de Dieu, mais de la science et de la création de connaissances. Merci. Merci beaucoup Bertrand. Nico, est-ce que ça a inspiré nos dessinateurs ? Oui, comme toujours, ça a inspiré les dessinateurs. Alors, d'abord, les lapins en chaîne, c'est-à-dire qu'ils s'accrochent avec des chaînes, toujours aussi sadomaso, les lapins, quoi. Sinon, toujours dans les catégories, les protons aiment bien les collisions. Ben, on voit deux protons qui passent dans une voiture et qui approchent une zone de collision, donc qui disent de ralentir, ce qui n'est pas vraiment ce qui se passe dans l'accélérateur, finalement. Ensuite, Pouillot, plein d'imagination, dit qu'accélérer des particules, c'est bien, mais dans le futur, on accélérera des objets bien plus gros, des pommes, des camions, que sait-on, pour voir ce que ça donne de les collisionner. Sinon, Gleb imagine un stagiaire au CERN où il y a quelqu'un qui dit « Fais quoi le nouveau ?» Il croit faire une expérience, tais-toi et regarde les collisions. C'est une référence à ce qu'on entendait juste avant. Et enfin, les lapins qui font remarquer qu'ils ont mis vachement moins de temps pour inventer la chartreuse que la cathédrale de Chartres. Voilà, il y en a deux autres, mais il faut le temps que je les regarde, donc ce sera pour après. Est-ce qu'on a des questions dans la chatroom, sur Twitter ou dans la salle ? On a une question d'Alex Brown. Tout d'abord, merci beaucoup, c'était fascinant. On a vu une visite tout à l'heure, aujourd'hui, on allait voir Delphi et LHCb, et on remarque une différence de taille. Delphi, l'ancienne, c'est déjà assez impressionnant, puis on passe à côté, on voit LHCb, c'est encore plus grand, j'ai aussi vu Atlas, c'est encore plus grand. On va dans quel sens ? On va continuer avec des détecteurs de plus en plus grands et des accélérateurs de plus en plus grands ? Ou est-ce qu'il y a une limite qu'on va trouver ? Est-ce qu'on a trouvé la bonne taille de cathédrale ? Ou on veut passer sur du plus grand ? Qu'est-ce que ça va donner ? Bon, c'est une question très intéressante qui mériterait effectivement beaucoup de réponses sur différents plans. Alors, du point de vue de la physique, et là Bruno serait plus à l'aise sans doute pour répondre, on n'a pas forcément besoin de détecteurs énormément plus grands, parce qu'effectivement, l'essentiel, c'est de pouvoir arriver à mesurer les courbures de particules. Et le principe est le même, quelles que soient les expériences. On les soumet à un champ magnétique, et on veut pouvoir mesurer une courbure, donc il faut effectivement pouvoir créer trois couches de détection, parce qu'avec trois points, on arrive à construire un cercle. On n'a pas forcément besoin de construire un cercle beaucoup plus gros pour arriver à détecter les particules, même si l'énergie incidente est plus importante. Parce que l'énergie incidente permet de créer d'autres types de particules, mais les particules ne vont jamais plus vite que la vitesse de la lumière. L'autre point, c'est qu'effectivement, on atteint effectivement des limites techniques, quand même, au bout d'un moment. Faire des cavernes de la taille que j'ai décrite, c'est quand même des performances. 5 ans et demi de génie civil pour Atlas, pour CMS aussi. Ce sont des chantiers qui sont colossaux. Donc il faut arriver à faire des voûtes de 35 mètres, on peut faire plus grand, mais ça commence à devenir compliqué quand il y a 65 mètres de roche au-dessus. Ça commence à devenir coûteux, et puis même si vous êtes gentil, que vous continuez à payer vos impôts, et merci beaucoup pour ça, on a quand même aussi le souci de faire au plus juste, au juste besoin. Et donc tout ça fait que, je pense, en tout cas pour la taille des détecteurs, on a atteint une certaine limite. C'est pas le cas pour les accélérateurs, parce que justement, si on veut augmenter l'énergie de collision, comme l'a rappelé Julie, il faut des tunnels qui sont de plus en plus longs. Et donc c'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été évoqué dans les visites que vous avez faites, le CERN a lancé au début de l'année des études pour un nouveau tunnel qui pourrait faire entre 80 et 100 km de long autour du Salève. Voilà. Donc on prépare l'avenir, c'est un avenir encore lointain. Juste merci beaucoup. On a Bruno qui veut ajouter un petit quelque chose. Oui, donc pour l'accélérateur, le CERN commence à étudier un accélérateur de 100 km de circonférence. Malgré ça, on essaie aussi de faire progresser la technologie, par exemple des aimants qui guident les protons pour augmenter le champ magnétique et faire que l'énergie de cet accélérateur soit augmentée davantage que juste sa taille. Et puis après, effectivement, on commence à se poser la question, est-ce qu'on atteindra une limite ? Donc il y a aussi des tas de recherches sur comment des méthodes révolutionnaires d'accélération des particules, mais malheureusement elles ne sont pas du tout disponibles aujourd'hui, mais on peut penser à des interactions laser dans des plasmas qui fournissent sur quelques millimètres des accélérations absolument fabuleuses. En quelques millimètres, on obtient ce que produit un accélérateur d'aujourd'hui sur plusieurs dizaines de mètres. Malheureusement, le problème, c'est qu'on ne sait pas mettre ces quelques millimètres les uns derrière les autres pour obtenir l'énergie du LHC. Et ça, ça ne viendra pas, à mon avis, avant une vingtaine ou une trentaine d'années, juste pour le concept. Mais on essaie quand même de faire des breakthroughs, des changements complètement de paradigme pour aller plus loin. Merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres questions... Je précise juste quand même à l'attention de Bertrand qu'on a vu passer beaucoup de félicitations dans la chatroom. Bravo, un dossier très inspirant. Ah, on a notre community manager qui nous remonte quelque chose. Je lui passe le micro. Merci. Oui, bonsoir. On a Julien Ferrier sur la chatroom qui demande maintenant que le Higgs a été trouvé, quel est le prochain grand objectif du CERN ? Quelles sont les prochaines découvertes auxquelles on peut s'attendre dans les années à venir ? Rapidement. Disons que c'est très ouvert. Hein. Là, on rentre dans une phase plus ouverte d'exploration. Donc, la montée en énergie qu'on va voir avec la remise en service du LHC va nous offrir une fenêtre d'expérimentation plus large. On sait que le modèle actuel a des tas d'insuffisances et nos amis théoriciens ont plein de théories à nous soumettre pour pallier ces insuffisances, pour répondre à toutes les questions que les physiciens se posent actuellement, la matière noire, l'énergie noire, on a beaucoup de problèmes actuels en physique, mais là on a beaucoup moins d'idées sur laquelle va être la bonne, donc on est dans une phase vraiment où l'expérience va dominer et peut-être, espérons-le, choisir quelle théorie ou même découvrir quelque chose auquel les théoriciens n'auront pas pensé. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne avec Despina Atsifotiadou qui va nous emmener dans un voyage vers l'origine de l'univers. Alors Despina, je vais commencer par une question sans doute un peu difficile, mais pas pour vous. De quoi la matière est-elle faite ? Bon, c'est connu que la matière ordinaire est constituée d'atomes dont chacun se compose d'un noyau entouré d'un nuage d'électrons. Le noyau est un assemblage de protons et de neutrons qui eux-mêmes sont constitués de quarks. Les quarks sont liés par une force connue sous le nom d'interaction forte qui est véhiculée par une particule appelée gluon. Ça va vite. Hein. Bon, Despina, je vais vous demander de parler un tout petit peu plus près du micro, si vous y arrivez, c'est gentil. Donc, pour rappel, le gluon, c'est le vecteur de l'interaction forte, comme le photon est le vecteur de la force électromagnétique. Et donc, l'interaction forte, c'est cette force qui lie les quarks entre eux à l'intérieur des protons et des neutrons. Elle fait également autre chose ? Oui, et l'interaction forte lie également les protons et les neutrons pour former les noyaux atomiques. Et après, on revient au quark. Quand un quark ne peut pas être observé en isolation, les quarks sont liés par le gluon et sont enfermés pour toujours dans les protons et les neutrons. Ce phénomène est connu sous le nom de confinement, mais le mécanisme à l'origine du confinement reste inconnu. D'accord, donc les pauvres quarks en fait sont coincés à l'intérieur des protons et des neutrons pour le restant de leur vie. Mais au moins, ils ne s'ennuient pas. Il y en a plusieurs, c'est ça ? Oui, effectivement, les protons et les neutrons sont composés de trois quarks. Mais en additionnant la masse de trois quarks, on obtient à peine 1% de la masse du proton et du neutron. D'accord. Donc, si je calcule bien, ça nous fait 99% de masse manquante. Exactement. Qui sont dues à quoi ? Le même mécanisme qui confine les quarks au sein des protons et des neutrons serait à l'origine de la quasi-totalité de la masse de la matière ordinaire. Donc le fameux mécanisme inconnu. Exactement. Alors, la théorie actuelle de l'interaction forte, qui s'appelle chromodynamique quantique, prévoit qu'à très haute température ou également à très haute densité, le quark et le gluon ne devraient plus être confinés, mais au contraire, ils devraient exister libres dans un nouvel état de la matière, qui est le plasma de quarks et de gluons. Quand vous parlez de très haute température, on parle de quel genre de température ? Cette transition de la matière ordinaire à cette plasma de quarks et de gluons devrait s'initier lorsque la température de la matière dépasse une valeur critique estimée à environ 2000 milliards de degrés. Et ça correspond à 100 000 fois plus élevé que la température au cœur du Soleil. Alors, de telles températures, évidemment, n'existent plus dans la nature depuis la naissance de l'univers, mais nous pensons que pendant quelques millionièmes de secondes après le Big Bang, la température dépassait cette valeur critique et que l'état de l'univers tout entier était celui du plasma de quark et de gluon. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour étudier un tel scénario de manière expérimentale ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de recréer ces conditions extrêmes en laboratoire. Et c'est exactement cela le but de l'expérience ALICE, qui est une des quatre expériences du LHC. En réalisant des collisions frontales de noyaux lourds accélérées par le LHC, nous pensons pouvoir créer dans un minuscule volume de la taille d'un noyau atomique une goutte de cette matière primordiale pendant un bref instant, mais qui est suffisamment long pour observer sa transformation en matière ordinaire. Puis on envoie quel genre de noyau au crash test, du coup ? Ce qu'on utilise, c'est que l'isotope de plomb 208 avec 82 protons et 126 neutrons dans le noyau. Alors, on enlève tous les 82 électrons et on finit par avoir des noyaux de plomb nus. En utilisant toute la chaîne d'accélérateurs du CERN, c'est-à-dire les synchrotrons à protons, les supersynchrotrons à protons et le LHC, on les accélère jusqu'à une vitesse très proche de celle de la lumière. Puis qu'est-ce qui se passe au moment exact de la collision ? Alors, quand les deux noyaux de plomb entrent en collision frontale, et la température extrême résultante libère les quarks et les gluons qui sont dans les protons et les neutrons. Et les quarks et les gluons entrent eux-mêmes en collision les uns avec les autres. Et comme ça, on a un environnement en équilibre thermique. Et ça, c'est le plasma de quarks et de gluons. D'accord. OK. Alors, ce qui se passe, c'est que le plasma se dilate et se refroidit. Et quand ça arrive à une température d'environ 2 millions de millions de degrés, le quark commence à se condenser pour former de la matière ordinaire, et ça, à peine à 10 puissance moins 23 secondes après le début de la collision. Alors, le résultat est que là, on a la création de milliers de nouvelles particules. Alors, on entoure les points de collision avec des couches de détecteurs qui servent exactement à capturer ces produits de collision. D'accord. Et puis donc, on a bâti une cathédrale souterraine pour observer le phénomène. Exactement. La ALICE est un détecteur gigantesque et extrêmement complexe, installé à 56 mètres sous la Terre. Ses dimensions sont 16 mètres de hauteur, 26 mètres de longueur, et le poids total est de 10 000 tonnes. ALICE est composée de 18 sous-détecteurs, dont la plupart sont installés dans un grand aimant solénoïdal qui a la forme d'un octogone. D'accord, on verra peut-être l'image dans quelques instants derrière nous. Autrement, de toute façon, on la retrouvera dans le dossier qui sera sur le site. Donc, c'est ce fameux engin qui a l'air sorti tout droit d'un film de science-fiction. Et les détecteurs, ils font quoi exactement ? Les détecteurs nous donnent information sur les particules. Une chose est qu'ils les identifient. Après, ils mesurent leur énergie. Et bien sûr, ils nous donnent beaucoup de points le long de leur trajectoire dans le champ magnétique. Après, la détection des particules donne des signaux électroniques produits par les quelques millions de canaux de tous les détecteurs d'ALICE. Et après, on a des systèmes ultra-miniaturisés qui sont utilisés pour le traitement et la digitalisation des signaux. Et des centaines d'ordinateurs enregistrent toute cette information. Et ensuite, pour l'analyse des données, on a une distribution mondiale des ressources informatiques, et ça, c'est le GRID. Ouais, donc le GRID, c'est ce fameux réseau d'ordinateurs d'une puissance phénoménale qui compte plusieurs centaines de milliers de processeurs répartis dans 34 pays. Je suppose qu'il faut au moins cela, en fait, pour analyser les données observées par ALICE. C'est ça, il nous faut ce genre de puissance de calcul. Ouais. Et combien de personnes travaillent sur le projet ? Alors, Alice compte plus de 1200 collaborateurs, dont environ 350 doctorants, qui viennent de 132 instituts de physique répartis dans 36 pays à travers le monde. D'accord. Puis on a déjà trouvé quelque chose? Oui, on a trouvé des choses intéressantes. Je ne peux pas vous parler de tout, mais peut-être une chose que je peux dire est qu'au début, on attendait que ces fameux plasmas de quark de gluon devraient avoir un comportement de gaz. Mais au lieu de ça, on a observé que ça se comporte comme un liquide idéal. Et après, une autre chose est qu'on a pu mesurer la température de l'état initial créé juste après la collision. Ça, c'est la mesure d'une façon indirecte, en mesurant l'énergie des photons émis quand ce plasma se refroidit. Et alors là, on trouve une température de l'ordre de 5000 milliards de degrés, c'est un record de température créé par les hommes. Ben, félicitations. Merci. Merci beaucoup, Despina. Nico, est-ce que les dessinateurs ont suivi? Oui, j'ai un kilo de dessin, là. Donc, Yamel, bon, il faut voir le dessin. Elle compare les cathédrales religieuses et les cathédrales scientifiques. Il y en a une, on comprend moins l'esthétique de la chose que l'autre. C'est une esthétique plus conceptuelle. Alors sinon il y a FIP qui teste un peu voir des dessins pour si je les lirai, donc il compare le LHC en disant que c'est vachement plus précis que le sexe entre Transformers. Sinon une référence à H2G2 avec une baleine qui fonce vers un proton en se demandant s'il va être son ami. Mel qui imagine une chanson, il est venu le temps des particules, je n'ai pas l'air, tout ça. Sinon, Gleb soulève le problème de c'est bien beau de comparer aux cathédrales le LHC, mais il y a quand même une sacrée différence de consommation électrique. Un joli dessin de FIP qui imagine le LHC du futur, une immense cathédrale qui ressemble un peu à la tour de Babel où tout le monde parle une langue d'issue différente. Sinon, Mel a inventé le boson de Notre-Dame. C'est joli. C'est très joli. Quoi d'autre? Ah oui, donc Pouillot, où il y a quelqu'un qui s'affole d'une nouvelle découverte au CERN, et en fait, c'est juste un dodane parce qu'il a roulé trop vite. Sinon, oui, dans les comparaisons cathédrale, abbaye, tout ça, moi je demandais quand c'est qu'il y aurait une brasserie au CERN qui ferait sa propre bière, tant qu'à se copier ces lieux-là. Et enfin, FIP qui nous fait un Obélix qui dit qu'il n'est pas gros, il est juste un peu confiné. Et c'est à peu près tout pour cette fois. Ok, magnifique. Peut-être très rapidement, avant de prendre une question dans la salle, on a eu une question dans la chatroom d'Espina. Oui. Juste deux mots. Donc, dans la chatroom, il y a Inti aussi qui a fait un joli dessin des vitraux de cathédrale. C'est ce que j'ai vu passer. Ah, Inti qui est avec nous. Magnifique. Merci beaucoup. D'Espina, on nous demande si on a trouvé des quarks isolés. Peut-être rapidement. Oui, non? Ça ne peut pas être... le cas, non. D'accord, ok. Et puis on a une question de Damien dans la salle. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Donc si j'ai bien compris, Alice permet de reproduire les conditions très peu de temps après le Big Bang. Et je voulais savoir quel temps exactement, enfin ou quel temps à peu près, et surtout qu'est-ce qui serait nécessaire pour aller encore plus loin dans le temps, donc encore plus proche du Big Bang. Quelles modifications pourraient permettre d'aller encore plus proche? Le temps, ça doit être de l'ordre de 10 puissance moins 24, si je ne me trompe pas, après le Big Bang. Et pour aller encore plus près, je ne pense pas que ça serait possible. Je pourrais juste dire que avec l'énergie plus haute qu'on aura avec le LHC, on pourra augmenter la statistique de nos mesures, des choses comme ça, voir des phénomènes plus rares, etc. Mais ce n'est pas qu'on va s'approcher du Big Bang. Bon, ça, c'est toujours une analogie, mais ça ne va pas changer. Okay, merci Despina. On a encore deux questions qui viennent de la salle. Je vous propose de faire ça extrêmement rapidement, aussi bien les questions que les réponses, sinon je vais me faire taper dessus par le maître du temps. Donc d'abord une question de Johan. Oui, bonjour. Je sais qu'il y a des étoiles dans l'univers qui s'appellent des étoiles à neutrons. Donc, avec une telle densité, on arrive à casser les liens entre atomes et obtenir des neutrons. Est-ce qu'il existe des étoiles à quarks ou est-ce qu'on arrive à casser cette interaction et d'avoir une telle densité qu'on arrive à avoir des étoiles à quarks? On peut avoir des quarks libres, là. Je sais pas. Est-ce qu'au centre de certaines étoiles, il y aurait une densité et une chaleur suffisantes pour obtenir des quarks, une soupe de quarks à cet endroit, quelque une part? Une soupe de quarks? Oui. Ça, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances astrophysiques pour voir la similarité. On a une deuxième question en direct de la salle. Ouais. Moi, j'avais une question. C'est tout à l'heure, on nous a dit que quand on arrivait près du Big Bang, les grandeurs s'affolaient, en gros. Enfin, on ne pouvait plus faire de mesures. Donc, comment on mesure dans Alice, en fait, puisque il semblerait que lorsqu'on s'approche plus proche du Big Bang, on n'a plus de théories qui tiennent la route. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, il me semblait, si j'ai bien tout compris. Si je comprends la question, c'est comment on fait les mesures. Bon, on imagine que on a ces scénarios pour l'état de la matière juste après le Big Bang. Et ce qu'on fait, c'est qu'on recrée les mêmes conditions. C'est tout, c'est pas... Non, mais je crois que Bruno a un petit complément à apporter. Oui. En fait, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail de ce qui se passe après le Big Bang pour répondre à la question, mais la phase dont on parle d'Espina, c'est une phase quark-gluon où on a déjà des quarks et des gluons, d'accord ? Donc, et les énergies, en fait, par particule dans ces collisions d'ions lourds qu'ils étudient sont en fait moins élevées que dans les collisions de protons, quand on regarde dans la classe SMS, quand on cherche le Higgs ou la supersymétrie, sont en fait un peu moins élevés. Par contre, c'est un état collectif où il y a beaucoup de protons et de neutrons qui correspond à une certaine phase de l'évolution de l'univers. Mais si on cherche à se rapprocher du Big Bang, il n'y a qu'une solution, c'est augmenter l'énergie. Donc, d'une certaine façon, les collisions de protons regardent déjà des temps qui sont antérieurs au temps de la phase quark-gluon, un peu antérieur, au temps thermique de la phase quark-gluon, d'accord ? Et plus on monte l'énergie, c'est-à-dire avec le prochain accélérateur, si on monte l'énergie d'un certain facteur, on se rapproche d'autant, pratiquement, bon, il y a un exposant, peut-être deux tiers, je crois, mais on se rapproche du Big Bang. Bon, après, il y a toujours une limite dans l'énergie, et donc une limite dans le temps à partir du Big Bang, dans la théorie standard du Big Bang. J'espère que c'est un peu plus clair. Formidable, merci beaucoup. On est arrivé au terme de la première partie de l'émission. Alors pour le timing, je suis désolé Xavier, on a dépassé un tout petit peu. Du coup, on va réduire la pause à 5 minutes. Pour les personnes qui nous suivent en direct, on se retrouve à 19h38 sur live.podcastscience.fm. Merci beaucoup à toutes et à tous de vos interventions. On se retrouve dans 5 minutes. Je vous propose qu'on reprenne. On est vraiment minuté, on est en Suisse, c'est comme ça, le podcast a retrouvé son sérieux du début. On attaque cette deuxième partie, on va enchaîner avec un dossier de Nico qui va nous parler de l'évolution des outils mathématiques dans leur complexité. En 5 minutes. Bon, alors on l'a vu là, les expériences scientifiques sont d'incroyables méthodes pour appréhender et prévoir le monde, mais en fait elles ne seraient pas grand chose sans leur outil préféré, les mathématiques et leurs équations. Si, parce que les scientifiques ne peuvent pas s'en passer, et ce depuis le tout début, depuis le jour où ils ont inscrit 1 plus 1 égale 2. Bon, alors ça c'est la belle histoire romancée, mais en réalité il est certain que cette équation est connue depuis des lustres. Elle a probablement été écrite en ces termes qu'autour du 16e siècle, période où le symbole égal a été inventé. Et encore, on utilisait le signe plus que depuis un siècle. Et pour les chiffres arabes, c'est un peu plus vieux, bon, sauf pour zéro, qui est passé par là, qui a été de nouveau oublié, et puis qui s'est mis à être utilisé à peu près comme on le fait aujourd'hui. Tout ça pour dire que les symboles, les outils mathématiques qu'on utilise aujourd'hui, sont loin d'avoir toujours existé et sont loin d'être figés dans le temps. Leur construction a même pu prendre un temps qu'on ne soupçonne pas forcément. Par exemple, c'est qu'après 362 pages de démonstration au XXe siècle, que Russell et Whitehead ont finalement démontré que 1 plus 1 égale 2. En concluant, cette équation peut parfois se montrer utile. Et malgré cette évolution incessante, on voit des équations qui ont toujours à peu près la même tête. C'est-à-dire qu'on a des machins qui sont additionnés ou multipliés avec des bidules et qui, en fait, sont égaux à des trucs. Alors ça, c'est qu'une illusion, parce que ça fait bien longtemps que les mathématiciens et les physiciens et tous les autres scientifiques n'utilisent plus vraiment les nombres, les additions et les égalités comme on les apprend à l'école. Parce que comme avec toute drogue, les mathématiciens ont eu besoin d'aller plus loin en construisant des objets conceptuels délirants, bravant parfois les interdits historiques. Vous savez, c'est ce moment où c'est interdit comme celui dont on ne dit pas le nom dans le livre dont je ne citerai pas parce qu'il est trop connu. Ce mathématicien qui arrive un matin, transpirant, et qui vous dit « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais jamais, au grand jamais, ne divisez par zéro. » Et puis en fait, au bout d'un moment, on découvre qu'on vous a menti, on peut diviser par zéro. Comme on peut dire Voldemort, bon, ça a un petit prix. Pour diviser par zéro, par exemple, il faut accepter que l'infini et moins l'infini, globalement, c'est la même chose, et bidouiller un peu comme pour que ça marche. Alors ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est pas si étrange que ça. Ça consiste à prendre la ligne des réels que vous avez en haut là, et rassembler l'infini et le moins l'infini en un point et en faire un cercle. Et ça s'appelle la géométrie projective. Alors, ces géométries sont un peu étranges parce qu'elles obéissent à d'autres règles du jeu. Par exemple, deux droites n'ont qu'une intersection, donc il ne faut plus parler de droites parallèles, ça n'a plus trop de sens. Mais ce n'est pas forcément pour autant bizarre. Quand on regarde une route au côté bien parallèle, on a l'impression que les deux côtés de la route viennent se rejoindre en un point à l'infini. Et c'est justement pour ça que cette géométrie est très utile, parce qu'elle est hyper efficace pour tous les calculs liés à la perspective, la correction de photos, de façades de bâtiments prises en bas d'un bâtiment. De toute manière, la bizarrerie, ça dépend pas mal du point de vue. Par exemple, on a dû vous apprendre à l'école que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Ben, en fait, c'est faux. Enfin, la plupart du temps. Et en particulier, c'est faux en géométrie projective, la géométrie dont je viens de parler. Mais pas que sur ce genre d'espace un peu étrange où on peut diviser par zéro. C'est aussi faux sur la surface du globe. Il faut imaginer, par exemple, un triangle dont il y aurait un sommet au pôle Nord, un sur l'équateur et un sur un autre point de l'équateur à mi-chemin entre le point dont je viens de parler et le point opposé, comme l'image qu'on vient de voir. Et aujourd'hui, une des questions centrales de la cosmologie, l'étude de l'univers, c'est de savoir justement ce que donne la somme des angles d'un triangle dans l'univers, 180, un peu plus, un peu moins, et toutes ces possibilités correspondent à des géométries plus bizarroïdes les unes que les autres. Si la somme est égale ou plus grande que 180 degrés, on a une vingtaine de géométries en gros qui respectent la relativité générale. Et si ça fait moins de 180 degrés, on a le choix parmi une infinité de géométries différentes. Alors pour revenir à notre équation fondamentale machin plus bidule égale truc, un peu comme dans nos exemples de géométrie biscornue et de division par zéro, le travail si mystérieux des mathématiciens consiste justement à donner de nouvelles définitions à chacun de ces termes, de ces équations, et à regarder ce que ça peut donner. Par exemple, définir de nouvelles additions, multiplications, comment multiplier deux mouvements du Rubik's Cube, et surtout définir de nouveaux machins, bidules et trucs. Et là-dessus, les scientifiques de ces dernières années se sont servis avec plaisir. La mécanique quantique utilise des objets qui n'ont qu'une valeur une fois mesurés, les distributions. La théorie des cordes nous parle d'objets allant au-delà de la dimension 4. La cryptographie s'amuse à additionner les points de courbe particulières. Les exemples sont sans fin. Ce qui est pratique avec ces outils mathématiques, c'est qu'en général, ils respectent qu'un tout petit nombre de propriétés, de règles du jeu. Et si quoi que ce soit les respecte aussi, on a le droit d'utiliser l'intégralité des résultats démontrés parfois sur plusieurs siècles. Alors certes, cette cathédrale conceptuelle est moins visible que ses homologues matériels dont on a parlé, mais elle n'en est pas moins imposante tant les mathématiciens chaque jour s'attellent à en faire un seul monument unifié dont toutes les pièces communiquent. Je suis dans les temps ? T'es parfait. Bravo Nico Tup. Merci. Du coup, niveau dessin, je vais te demander de multitasker, parce que moi, tout ce que je peux commenter, c'est le dessin qu'a fait Philippe, qui a essayé de donner une dimension spirituelle à ton dossier, en représentant deux lapins au jardin d'Éden, qui disent les pommes, c'est comme les divisions par zéro, c'est interdit. Mais j'ai pas réussi à capter les dessins de Pouillot dessin, et de Gleb encore, ils sont encore en cours de réalisation. Comme les dessins, du coup, je crois qu'il n'y avait que les dessins d'avant la pause, c'est-à-dire un premier dessin de Philippe où il dit qu'en fait, la différence entre la cathédrale de Chartres, par exemple, et le CERN, c'est juste que le plan a été pris à l'envers, ils l'ont construit dessous. C'est pas mal. Et sinon, un petit clin d'œil à notre pauvre Xil qui n'a pas pu venir. Nous allons voyager aux confins de l'univers pour découvrir la composition de la matière. Xil, t'as oublié ton passeport. Voilà. Voilà, ça remet l'église au milieu du village, si j'ose dire, la cathédrale. Au milieu de la mission. Y a des dessins en cours, peut-être que tu arriveras à nous les commenter. Ils vont arriver, ouais. Les dessins en cours, en général. On a des questions dans la salle. Une intervention de Bruno. Peut-être après le public. Alors, on a une question dans la chat room. la division par zéro a fait son petit effet. Il y a quelqu'un qui nous demande à quoi ça sert d'inventer des équations, puis de leur inventer des noms. Alors, inventer des équations, ça, enfin, c'est inventer des modèles. Alors, pour les matheux, inventer des équations, c'est déjà inventer des objets, des choses qui peuvent être intéressantes à étudier, pas forcément avec un lien vers le réel, même si de plus en plus, en général, ça part du monde des physiciens et on étudie des équations qui correspondent à quelque chose. Donc, inventer des équations, ça permet de prévoir, en fait. C'est ça qui va permettre de dire je prévois qu'il doit y avoir un truc qui se passe là, et donc ça prouve que le boson de Higgs existe. Après, leur donner un nom, bah, c'est parce qu'on n'a pas une mémoire folle, et donc si on donne des noms impossibles aux équations, on ne s'en souvient pas, je pense. Okay. Oui, Bruno, un problème de philosophie, d'épistémologie classique et intéressante, c'est de savoir pourquoi les physiciens trouvent toujours, à un certain moment, les mathématiques qui vont bien pour leur nouvelle théorie. Et c'est ce que Eugène Wigner a appelé la déraisonnable efficacité des mathématiques. Donc, est-ce que les mathématiques, pourquoi les mathématiciens développent des modèles et des théories complètes, hein, in abstracto, et juste après, des physiciens vont les utiliser. Alors, est-ce que c'est qu'on a manque d'imagination et qu'on n'utilise que ce qu'on a sous la main? Est-ce que c'est l'inverse? Un problème de poulet d'œuf qui est très intéressant. Bon, je crois que ça appelle juste des réflexions personnelles, pas plus de commentaires, hein, ma foi, c'est oui. Ok, on n'a pas d'autres questions, votre honneur? Merveilleux. Du coup, on va enchaîner avec la chronique de Julia Hoffmann, qui va nous parler de l'expérience AMS-02. D'abord, Julia, qu'est-ce qui rend cette expérience si particulière? L'expérience AMS est très différente d'une expérience typique du CERN. Tout d'abord, ce n'est pas un détecteur souterrain comme CMS ou Atlas ou Alice, mais un détecteur spatial. C'est-à-dire comme un satellite? En effet, le détecteur est en orbite à 400 km au-dessus de la Terre, avec une vitesse de 7000 km/h. Le détecteur est relié à la Station spatiale internationale, qui mesure 108 mètres de long sur 76 mètres de large, soit équivalent d'un terrain de football. Épaisse environ 450 tonnes. Et le détecteur AMS est juste 3 par 4 par 5 mètres, épaisse 7,5 tonnes. La station spatiale a pour objectif d'assister ou de conduire les nombreuses expériences qui se déroulent à bord, soit à l'intérieur des modules habitables. D'accord, donc AMS, c'est une espèce de mini-CERN embarqué sur l'ISS en orbite autour de la Terre. AMS, c'est un détecteur de physique des particules et donc possède des éléments communs au détecteur pour l'LHC. Par exemple, un tracker, un aimant ou un calorimètre électromagnétique. Alors, ceux d'entre nous qui ont eu la chance de descendre visiter une expérience cet après-midi auront vu. Donc, un tracker, c'est le système qui permet de savoir par où des particules en déplacement sont passées. Un calorimètre, c'est un appareil expérimental qui mesure l'énergie des particules en les faisant entrer en contact avec un objet massif, du plomb par exemple. Donc voilà pour les gros mots. Et donc, on recherche quoi avec ce détecteur? Et les principaux objectifs de ce détecteur sont de résoudre les mystères de la matière noire et la symétrie matière-antimatière. L'expérience AMS effectue les mesures les plus précises sur les rayons cosmiques et l'une des expériences spatiales les plus importantes concernant l'étude des particules, des astroparticules. Alors, petite question, comment est-ce que vous récupérez les données de l'expérience? Je vais vous donner juste une image simplifiée concernant le transfert de données et la communication entre le détecteur et la Terre. Nous communiquons avec le détecteur, avec les satellites, tout comme nous communiquons par les téléphones cellulaires, dans les tours de téléphonie cellulaire. La tour doit recevoir le signal de notre téléphone portable et l'autre téléphone portable ou tour intermédiaire. Pour la réception d'un signal, un satellite doit voir l'antenne de la station spatiale et un endroit aux États-Unis où le signal est reçu. Alors, il est envoyé au CERN, à notre salle de contrôle. Dans la salle de contrôle, il y a toujours une personne écoutant les communications entre la NASA et à bord de ISS, SSI en français. S'il y a des activités qui peuvent influencer et perturber notre détecteur, par exemple changement thermique ou perturbation sur l'envoi des données, la NASA nous met au courant afin de prendre les mesures nécessaires pour éviter la perte des données ou les dommages du détecteur. En outre, nous communiquons avec la NASA si nous jugeons bien de modifier quelques paramètres sur le détecteur pour la prise des données. Vous communiquez avec la NASA, vous parlez directement avec les astronautes ? Étant donné qu'il y a une hiérarchie à la NASA, nous ne pouvons pas parler directement aux astronautes, mais nous pouvons entendre leurs conversations avec la NASA et nous sommes parmi les premiers à voir les activités extravéhiculaires avec des caméras installées sur la station. J'avoue que rien que ça fait rêver, entendre les conversations des astronautes. Et est-ce que vous avez déjà trouvé quelque chose ? Est-ce que vous commencez à percer le secret de cette fameuse asymétrie entre matière et antimatière ? Nous n'avons pas trouvé l'antimatière complexe, pas encore. Par exemple, par complexe, je veux dire des noyaux plus lourds que l'hydrogène, par exemple anti-oxygène. Ceci est tâche très difficile et qui exige beaucoup de données et une analyse compliquée. Pour la découverte des matières noires, c'est difficile à dire. Nous voyons dans nos données des choses qui pourraient être interprétées aussi, bien comme l'évidence des matières noires ou comme le signal des sources naturelles. Nous avons besoin de plus de temps et plus de données pour pouvoir dire quelque chose de plus définitif. Alors, la recherche continue. Julia, merci beaucoup. Merci. Nico, oui, alors, est-ce que cette conversation avec les astronautes a inspiré nos dessinateurs ? Oui, alors d'autant plus que là, il se passe un truc exceptionnel, c'est-à-dire que le public s'y met aussi. Le public dessine, voilà. Tout va bien. Donc, on a un dessin de Billy, qu'on connaît un peu quand même, qui nous dessine Alice au pays des particules. Sinon, Gleb a essayé de représenter ce que lui a inspiré machin plus truc égale bidule. Je vous laisserai regarder le dessin. On a donc un dessin de Florence Porcel, qui fait son premier dessin depuis son entrée au CP. Donc c'est quand même un moment et qui compare le LHC 14 téraélectronvolts à l'énergie cinétique d'un moustique en vol 7 téraélectronvolts. Donc le LHC est seulement deux fois plus énergique qu'un moustique. Et enfin, alors tout est une histoire de surface, hein, c'est ce qu'on a vu pendant notre visite. Enfin, si j'ai bien compris. Et enfin, Pouillot qui explique que les maths, c'est l'art de repousser ses limites, c'est-à-dire avec un personnage qui explique qu'il y a encore quelqu'un qui essaie de diviser par zéro et un autre qui va voir s'il a des infinis en stock pour résoudre le problème. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc le public, n'hésitez pas, faites passer devant les dessins et puis on retransmettra. Excellent, merci. Et est-ce qu'on a des questions dans la salle ou dans la chatroom ? On a une question dans la chatroom ? C'est VoyageCast qui est très en forme ce soir, qui nous demande « Le fait que la station soit soumise à la gravité, est-ce que ça n'influe pas les expériences ? Plus précisément, est-ce qu'on aurait des résultats différents dans le vide spatial entre deux galaxies ?» Il est en forme. Donc, Alan traduit la question. Je vais expliquer en anglais et Alan va traduire. If the experiment was on Earth, we would have the atmosphere who would influence our results, but not gravity, because we are looking at particles that are very light, and the gravity may be not the problem, but maybe the magnetic field of the Earth. Ok, alors si la même expérience était conduite sur Terre, la gravité finalement n'aurait aucune incidence parce que c'est des particules subatomiques qui ne sont pas soumises à la gravitation. Par contre, l'atmosphère terrestre et notamment le manteau électromagnétique, c'est pas le manteau, le champ électromagnétique, merci, aurait une influence et les résultats ne seraient pas les mêmes. Did I miss something? Ok, good. Merci Jonathan pour la question. On a encore une question qui vient de la salle. Oui, il me semble que l'énergie des particules qui nous arrivent là, qui nous bombardent, c'est très largement supérieure à celle qu'on accélère actuellement au LHC. Et on ne pourra même jamais atteindre les énergies qu'il y a au niveau des rayons cosmiques. Alors est-ce que l'avenir, c'est finalement pas d'envoyer des détecteurs dans l'espace plutôt que d'essayer d'accélérer des particules qui n'auront jamais l'énergie qu'on peut avoir dans l'espace? Oui, our IMS is able to register particles of energies from mega electron volts up to few, two, maybe three tera electron volts, and the particles which are more energetic than that, we cannot really register them. Alors aujourd'hui, on conduit des expériences à des énergies de 2 à 3 mégaélectronvolts à plusieurs téraélectronvolts. Et plus que ça, aujourd'hui, on ne saurait pas mesurer. Je crois qu'on a Bertrand qui veut apporter un complément. Oui, très, très simple. C'est une bonne idée de mettre un détecteur dans l'espace pour regarder ce qui se passe, c'est ce que fait AMS. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où vont passer les rayons cosmiques. Et c'est la grande différence avec les détecteurs sur le LHC, c'est qu'on sait exactement où se passent les collisions et les créations de nouvelles particules. Et c'est quand même beaucoup plus commode quand on veut effectivement mettre autour de ce point d'interaction un détecteur de 10 ou 15 ou 20 000 tonnes. Oh, on a encore un petit complément de la part de Bruno. Oui, des rayons cosmiques, il y en a de toutes les énergies. Il y en a de basse énergie, la plupart sont de très très basse énergie, puis il y a tout un spectre, et évidemment leur nombre, leur fréquence et leur nombre diminuent. Alors c'est vrai que les plus énergétiques qu'on a jamais mesurées sur Terre ont des énergies qui sont au-delà de celles des particules lâchées, mais alors les flux sont extrêmement faibles, c'est-à-dire c'est une particule par jour, par kilomètre carré, typiquement. Donc il y a des expériences qui sont sur Terre, comme OG par exemple, qui a un réseau de télescopes qui mesurent le passage de ces particules dans l'atmosphère terrestre sur des dizaines et même des centaines, si je ne me trompe pas, de kilomètres carrés. Alors elles mesurent un événement de temps en temps, c'est très intéressant, mais ça ne permet pas de mesurer le boson de Higgs qui serait éventuellement produit dans une collision. Ça permet juste de regarder qu'est-ce que c'est comme particule, d'où elles viennent éventuellement, et de faire par exemple de l'astrophysique avec ça. Mais c'est pas du tout les mêmes, comme l'a dit Bertrand, c'est pas du tout les mêmes conditions qu'une expérience provoquée en laboratoire avec des faisceaux connus. Merci beaucoup. Une toute dernière question, super rapide, alors de Schmox. Super rapide, parce qu'on va se faire taper sur les doigts par Xavier. Mais alors très rapidement, j'en avais deux. Première, c'était, est-ce que ça a déjà été fait par d'autres que le CERN d'avoir un détecteur en orbite, ou est-ce que c'est une première? Et deuxième question, que j'ai oubliée, mais qui va arriver. Oui, comment on fait pour traiter ou post-traiter les résultats, sachant que c'était une des questions... sur le LHC, savoir quelle est la capacité de traitement avec les processeurs. Si le détecteur est en orbite, qu'est-ce qui fait où se situent les processeurs? Alors, si quelqu'un peut meubler pendant que je traduis vite la question. Je vais meubler sur la question du traitement des données sur les expériences du LHC, très rapidement, en disant qu'il y a une part des données qui sont en fait traitées directement dans le détecteur de manière électronique, qui ne sont pas enregistrées, et qui sont juste comptabilisés. Ça, c'est important de savoir combien d'événements d'un certain type sont arrivés. Et c'est seulement quelque chose comme 1% des données qui sont enregistrées. Et ça représente des taux faramineux. Alors, on utilise en général le chiffre de 1 dVd par seconde, quelque chose comme ça. Et ça, c'est dans les runs, enfin, ce qui s'est passé actuellement. Et dans la reprise de données l'année prochaine, ce sera bien davantage encore, puisqu'on va augmenter la quantité de collisions. Donc Bertrand a répondu à la deuxième partie de la question. Merci beaucoup. On va laisser Julia répondre à la première partie de la question. Well, there are many other experiments in the space. There are either satellite-borne or balloon-borne, but they are much smaller and not as precise as AMS. And AMS, it's not... really a CERN experiment. It was built at CERN with CERN support, and we have our control room at CERN, but the detector has been mostly financed from the Department of Energy in the United States, with a contribution from many other countries. Alors, en deux mots, la traduction, je pense que tout le monde a compris, mais nous a dit en gros que ce n'est pas la seule expérience, ce n'est pas le seul détecteur dans l'espace, mais que c'est le seul qui se trouve aussi loin, d'après ce que j'ai compris, aussi loin dans l'espace, que c'est la plus grosse expérience du genre. Mais attention, ce n'est pas une expérience exclusivement du CERN, c'est une expérience qui est également financée par d'autres partenaires, notamment les États-Unis. Julia, merci beaucoup. Merci. Et on va enchaîner avec ma petite présentation. Donc moi, en guise de cathédrale, je vais vous parler de l'une des formes les plus surprenantes de créativité en science. En effet, à chaque fois que je me trouve au CERN, je ne peux m'empêcher de penser au web. C'est un truc de fou quand on y pense. On met en place le plus gros instrument scientifique du monde pour traquer une particule qui n'aime pas trop se montrer. Et ce qui en ressort en premier, 20 ans avant que le boson de Higgs ne finisse par pointer le bout de son nez, c'est cet outil formidable qu'est le web, qui permet d'exister à des utopies aussi improbables que ce podcast ou que Wikipédia, par exemple. Même si on n'avait pas trouvé le boson, on aurait au moins le web, ce nouveau poumon de l'économie de ce début de XXIe siècle. C'était de l'argent bien investi. Qui aurait pu s'attendre à cela en votant le budget de 9 milliards de dollars pour construire le LHC ? Je précise en parenthèse vite fait, ça correspond, histoire de remettre la cathédrale au milieu de la cité, à 5 jours de dépenses militaires américaines. Bref, cette joyeuse combinaison de hasard et de génie m'a donné envie de vous parler de sérendipité. Alors avant d'énumérer quelques exemples, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Les trois fils du roi de Serendip refusèrent, après une solide éducation, de succéder à leur père. Le roi alors les expulsa. Ils partirent à pied pour voir des pays différents et bien des choses merveilleuses dans le monde. Un jour, ils passèrent sur les traces d'un chameau. L'aîné observa que l'herbe à gauche de la trace était broutée, mais que l'herbe de l'autre côté ne l'était pas. Il en conclut que le chameau ne voyait pas de l'œil droit. Le cadet remarqua sur le bord gauche du chemin des morceaux d'herbe mâchées de la taille d'une dent de chameau. Il reconnut alors que le chameau aurait perdu une dent. Du fait que les traces d'un pied de chameau étaient moins marquées dans le sol, le Benjamin inféra que le chameau boitait. Tout en marchant, un des frères observa des colonnes de fourmis ramassant de la nourriture. De l'autre côté, un essaim d'abeilles, de mouches et de guêpes s'activait autour d'une substance transparente et collante. Il en déduisit que le chameau était chargé d'un côté de beurre et de l'autre de miel. Le deuxième frère découvrit des signes de quelqu'un qui s'était accroupi. Il trouva aussi l'empreinte d'un petit pied humain auprès d'une flaque humide. Il toucha cet endroit mouillé, il fut aussitôt envahi par un certain désir. Il en conclut qu'il y avait une femme sur le chameau. Le troisième frère remarqua les empreintes des mains là où elle avait uriné. Il supposa que la femme était enceinte, car elle avait utilisé ses mains pour se relever. Les trois frères rencontrèrent ensuite un conducteur de chameau qui avait perdu son animal. Comme ils avaient déjà relevé beaucoup d'indices, ils lancèrent comme boutade au chamelier qu'ils avaient vu son chameau. Et pour crédibiliser leur blague, ils énumérèrent les 7 signes qui caractérisaient le chameau. Les caractéristiques s'avérèrent toutes justes. Accusés de vol, les trois frères furent jetés en prison. Ce ne fut qu'après que le chameau fut retrouvé sain et sauf par un villageois qu'ils furent libérés. Après beaucoup d'autres voyages, ils rentrèrent dans leur pays pour succéder à leur père. Vous aurez peut-être reconnu un extrait des voyages et aventures des trois princes de Serendip, un conte persan qui se déroule à Ceylan, l'actuel Sri Lanka, connu en Europe depuis le XVIe siècle et qui a inspiré le Zadig de Voltaire. Les princes y font sans cesse la découverte de choses qu'ils ne cherchaient pas, par une subtile combinaison d'accidents et de sagacité. D'où le terme de sérendipité proposé en 1754 par l'esthète anglais Horace Walpole pour désigner ce moteur très important de découverte scientifique. Alors je ne sais pas si inventer le web en cherchant des bosons entre stricto sensu dans la définition, mais ce concept de chance doublée de sagacité est bien le mécanisme à l'œuvre dans la découverte de la quinine, par exemple, comme remède contre le paludisme au Pérou par un indien quechua à l'article de la mort, ou la vaccination. C'est en effet en observant l'immunisation accidentelle de laitières contre la vaccine, la variole de la vache, que Edward Jenner put mettre au point le premier vaccin contre la variole, qui fut aussi le premier vaccin tout court. La découverte d'éléments chimiques tels que l'oxygène, l'iode, l'hélium et les gaz nobles. les anesthésiques, la photographie, la chiralité, c'est-à-dire l'orientation gauche-droite des molécules par Louis Pasteur, le Big Bang, ou plutôt l'observation du fond diffus cosmologique qui a validé l'hypothèse, les pulsars, la chimiothérapie, le LSD, la pilule, les rayons X, la fission nucléaire, la saccharine, la pénicilline, le nylon, le téflon, l'aspirine, le velcro, les cornflakes, même la découverte de l'ADN et les post-it sont tous les fruits de la sérendipité. Épatant, non ? Je vous ai dit au fait que le Wi-Fi est un produit dérivé de recherches infructueuses sur des trous noirs. C'est marrant de penser que, quels que soient les moyens en jeu, il y a toujours une part de bol qui vient s'ajouter à la sueur et au génie. Mais il serait bien sûr idiot de croire que cela puisse suffire. Les découvertes par sérendipité ne sont et ne seront toujours possibles que si l'on continue de mettre des moyens dans la recherche. On ne trouvera peut-être pas ce qu'on cherchait, mais on trouvera certainement des choses épatantes qu'on n'aurait jamais découvertes si on ne cherchait rien. Nicotup, des nouvelles des dessinateurs ? Ouais, alors plein de nouvelles des dessinateurs, et puis aussi j'ai rapatrié un peu les dessinateurs hors site. Alors d'abord, les lapins de FIP, il y en a un qui vient tout affolé en disant qu'il y a une étoile noire qui arrive, que Dark Vador attaque, mais en fait c'est juste un nouveau détecteur. C'est vrai qu'il y a peu de variété dans les couleurs des détecteurs. Quoique, le LHC est quand même assez coloré. Sinon, Gleb imagine un satellite relié avec un fil à la Terre, avec la Terre qui est en train de s'enrouler autour du fil du satellite. Toujours sur les détecteurs spatiaux dont on parlait tout à l'heure, il y a FIP qui dessine les lapins, où on voit les premiers résultats du détecteur spatial. Dans l'espace, personne ne nous entend crier. Alors sur Internet, sinon, on a Inti qui a fait une étoile à pochetron. Il n'en est pas très fier. Assez amusant, anecdotique, c'est pas les dessinateurs. On a l'univers qui tweet et qui nous envoie des tweets sur la chatroom. Donc entre autres, il y a le Cosmos qui a fait un anti-tweet, histoire d'avoir la super symétrie dans Twitter aussi. Randall Flagg avait fait un dessin où le géant vert se demandait qui lui avait volé sa roue qui est à l'entrée du CERN, là, ce gros truc en bois pour les 50 ans. Randall qui aussi dit qu'au CERN nous bosons énormément, ça j'imagine qu'on l'a déjà fait aux gens du CERN, ça doit pas être la première fois. Inti qui dessine un magnétiseur au CERN, donc une sorte de magnétiseur qui sur les gros aimants bleus fait et enfin Randall qui dessine la jaquette de Boson Kart, sans doute le nouveau jeu en vogue au CERN. Et on a eu un dessin quand même sur la sérendipité avec un lapin qui dit « Là, une mouche !» Putain, je suis trop fort, j'aurais dû faire vétérinaire. Excellent. On a une question dans la salle, une question de Nicolas. Alan, bon, ben maintenant j'ai la réponse de pourquoi tu lisais ce gros livre sur la sérendipité chez toi. Mais est-ce que, enfin, j'imagine que les scientifiques, au bout d'un moment, se sont rendus compte du phénomène. Et est-ce qu'il y a des techniques quand on fait une recherche dans une direction pour maximiser les chances de trouver autre chose, parfois par erreur ou par... Je pensais que, comme question, j'aurais des questions sur des exemples de découvertes par sérendipité. Tant pis, autant pour moi. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. On a des chercheurs dans la salle, on peut leur relayer la question. Je pense que la sérendipité est une technique encore assez mal maîtrisée, en fait. Si, une réponse de Bruno ? Il y a quelques conférences pluridisciplinaires ou des choses comme ça, mais ça reste... Je ne suis pas sûr que organiser la pluridisciplinarité, c'est la meilleure façon de trouver à côté, justement. À partir du moment où c'est organisé, je ne sais pas si ça fonctionne. Non, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir quel était l'état d'esprit et la personnalité des gens qu'on trouvait, entre guillemets, par hasard. Parce que bien souvent, on se rend compte que justement, c'était les plus grands spécialistes de leur domaine. Si on prend Fleming et la pénicilline, on s'est connu, hein, il avait ses boîtes de pétri avec ses bactéries, là, et puis il avait fait tomber les miettes de son sandwich dedans, et il s'est rendu compte que ça tuait les bactéries. Et ça faisait des cercles sans bactéries, et il en a déduit qu'il y avait quelque chose dans le sandwich qui tuait les bactéries. Il a vu que c'était des vieux sandwichs qui étaient un peu moisis, et que c'était donc la moisissure qui était là. Et puis il a analysé ça, il a trouvé la pénicilline. Mais le truc, c'est que n'importe qui à sa place, qui ne serait pas un grand bactériologue, serait passé complètement à côté du phénomène. Donc il ne faut pas croire. L'opinion qu'il faut surtout écarter, c'est « Ah, moi, demain, je vais avoir une idée de génie sans jamais avoir bossé ». Ça, c'est pas vrai. On peut trouver un truc par hasard à condition d'avoir déjà la réflexion, le background et tout ça. Là oui. Ouais, c'est vrai que dans la notion même, on a cette notion de chance et cette notion de sagacité dans la définition déjà de Walpole. Et puis on a tendance à souvent se rappeler de la chance. Mais il faut effectivement cet éclair de génie qui permet de détecter qu'il s'est passé quelque chose. Encore une intervention de Bertrand. Oui, j'abonde complètement dans l'idée qu'effectivement, si on cherche à maîtriser la sérendipité, on l'étouffe. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et j'abonde aussi sur le fait qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, mais pas uniquement scientifique, mais également une ouverture d'esprit procédurière, si je peux dire. Je prends l'exemple de l'invention de la superglue. Je ne sais pas si c'est dans votre gros bouquin, là. La superglue, c'est inventé par une équipe qui travaillait sur les polymères et qui regardait si effectivement il y avait des produits qui permettaient d'améliorer la résistance des pare-brises d'avion aux impacts. Voilà. Donc il devait coller tout ça sur le pare-brise et puis ensuite mettre des capteurs pour vérifier les performances. Et puis un jour, ils sont impossibles de décoller le capteur parce qu'ils avaient fait le mélange qui fait la superglue. Donc en fait, les gars, ils pissaient de trouille, passez-moi l'expression, d'appeler le patron en disant « Excusez-moi patron, mais on a collé tous les capteurs, on n'arrive pas à les décoller, c'est l'horreur. » Et le patron, il a eu l'ouverture d'esprit de dire, qui était un chimiste, a eu l'ouverture d'esprit de dire, mais attendez, on annule le programme sur la recherche de protection des pare-brises d'avion, parce que là, ce qu'on vient de trouver, les loulous, ça, c'est une sacrée mine d'or. Donc il a complètement annulé le programme de recherche pour rebasculer complètement stratégiquement tout le programme de recherche de la compagnie en question. Voilà. Et donc c'est vraiment, il faut une force aussi de manager pour ça. Merci beaucoup. On va continuer de parler un petit peu de sérendipité avec la chronique de Johan, qui, la tête dans les étoiles, va, comme d'habitude, conclure cette série d'interventions brandées podcast science, si j'ose dire, parce qu'après, on entendra encore rapidement David Loureiro du podcast Lisez la science, qui va nous parler d'un ou deux livres. Et tout de suite, on écoute Johan. Bonsoir. Quand on parle d'une cathédrale scientifique à un astrophysicien, il pense tout de suite à la future génération des très grands télescopes, les Extremely Large Telescopes, donc ELT. Les travaux pour ces instruments scientifiques, parmi les plus grands jamais construits, eux aussi, ont commencé tout récemment. Il faut imaginer leurs miroirs comme des immenses poêles à paella, jusqu'à 40 mètres de large, composés de plusieurs centaines d'alvéoles qui font la taille d'un humain environ. Cette immense poêle à paella est enfermée dans une coupole de 80 mètres de haut. Le tout est placé en haut de certaines des plus hautes montagnes terrestres, comme le Mauna Kea à Hawaï ou dans le désert d'Atacama au Chili. Dans un premier temps, ils seront trois, donc le 30-meter télescope, donc qui fait 30 mètres comme son nom l'indique, prévu pour 2018, le Giant Magellan Telescope, 26 mètres, dont la construction n'a pas encore commencé, et le European Extremely Large Telescope, donc le EELT, je l'appellerai le ELT, donc de 40 mètres, qui devrait être achevé en 2021, et dont les travaux ont commencé le 19 juin dernier, tout en haut de, donc au Chili, à 3000 mètres, tout près du plus grand télescope européen actuel, le Very Large Telescope. Oui, c'est pas très original, comme le faisait remarquer Nico tout à l'heure. Il est construit par l'ESO, donc le European Southern Observatory. C'est l'organisation européenne dédiée à la construction des télescopes au sol. Et il se trouve que jusqu'en 1980, la division télescope de l'ESO était d'ailleurs située ici même, au CERN. Avant de commencer, pour rendre hommage aux communicants de l'ESO, je voudrais présenter ces images mettant en comparaison l'ELT et les VLT avec à peu près tous les monuments auxquels vous pouvez penser. Donc, normalement, vous devriez voir apparaître dans la chatroom l'ELT à Paris, ensuite l'ELT à Bruxelles, l'ELT à Vienne. Ça arrive. Voilà le premier. L'ELT à Pise, l'ELT à Rome, l'ELT à Barcelone. Je vais laisser un peu de temps à David. Parce que... Bon, il devrait apparaître pendant que je parle, mais donc il y en a beaucoup. Et en dehors du côté amusant, c'est vrai que ça donne quand même une bonne idée de la taille de l'ELT. C'est vraiment aussi gros qu'une cathédrale. Mais donc, il en manque aussi. Donc, vous verrez tout à l'heure dans la chatroom que j'ai décidé de donner un petit coup de main à la com en ajoutant l'ELT à côté du jet d'eau de Genève. L'idée de base de mon dossier, c'était de vous présenter tout ce qu'on s'attend à trouver avec les ELT. Et puis, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler de ce qu'on ne s'attend pas à trouver avec les ELT. L'idée m'est venue d'un article très intéressant de Martin Harwich. Je vous encourage à le lire. Je mettrai le lien tout à l'heure. Il m'explique que l'expansion de l'espace des paramètres d'observation permet la plupart des découvertes en astrophysique, d'ailleurs de façon assez fortuite. C'est un peu la sérendipité dont parlait Alan à l'instant. Qu'est-ce que c'est que cet espace de paramètres ? Un être humain sans instrument, c'est un peu limité. Il peut voir que la lumière visible, on ne voit ni les rayons X ni les ondes radio par exemple. Il peut voir que des petites variations de couleur. Il ne peut pas voir ce qui est trop petit, ce qui est trop loin, ou même ce qui est trop grand. La première carte totale du fond diffus cosmologique date de la fin du XXe siècle. Il ne peut pas voir ce qui est trop rapide, typiquement 24 images par seconde, ce qui est trop lent, on a du mal à voir les montagnes pousser par exemple. Toutes ces grandeurs, résolution spatiale, minimale et maximale, résolution temporelle, résolution dans le spectre lumineux, constituent l'espace des paramètres d'observation. En fait, l'instrumentation scientifique, c'est avant tout étendre cet espace de paramètres. En astrophysique, on était dans un univers tout petit, et puis Galilée a décidé de pointer une lunette vers le ciel. Et là, on s'est aperçu que tout était beaucoup plus grand que prévu. Et un jour, on a découvert les rayons X et les ondes radio, et quelqu'un s'est dit « Et si on regardait le ciel avec ?» On a inventé des télescopes capables de capter la lumière invisible à l'œil nu, capables de capter des photons venant d'objets vraiment très lointains et donc vraiment très vieux, capables de faire des pauses très rapides, et on s'est aperçu que certains objets clignotaient dans l'univers. À chaque fois, l'univers où on se trouve s'en trouve grandi, non seulement en termes de distance, mais surtout dans le fait que le même univers peut être regardé à nouveau avec des yeux totalement neufs. Citons rapidement un chouette exemple de découverte fortuite due à l'agrandissement de cet espace de paramètres. En 1967, Madame Jocelyn Bell et son directeur de thèse Anthony Ewitch construisent un radiotélescope. Ils veulent analyser des phénomènes sur de courtes durées, inférieures à la seconde, pour étudier un phénomène appelé scintillation. On voit donc ici l'agrandissement de l'espace de paramètres, puisque personne n'avait jamais pensé à regarder le ciel ainsi, en combinant ondes radio et très courtes durées temporelles. Une fois qu'ils ont mis en marche l'instrument, ils trouvent un truc qui émet en clignotant très vite en ondes radio. L'émission est extrêmement régulière. Ils mettent du temps à vérifier que le signal est vraiment fixe sur la sphère terrestre et que ce n'est pas une émission humaine. Et ils pensent à quoi ? Eh ben, ils pensent à la même chose que vous et ils le surnomment LGM1 pour Little Green Man. Bon, au final, on va découvrir que ce n'est pas des petits hommes verts et que c'est des pulsars, des étoiles en fin de vie qui tournent à quelques millisecondes autour d'elles-mêmes. Ces objets étaient compatibles avec les théories existantes, mais ils ne s'attendaient pas du tout à trouver ça. Et ce n'était pas vraiment pour ça qu'ils avaient construit l'instrument. Ce n'était pas du tout pour ça qu'ils avaient construit l'instrument. Donc l'utilisation d'un nouvel instrument leur a donc permis de tomber sur un truc invisible auparavant, mais qu'on voit comme le nez au milieu de la figure dans ce nouvel espace de paramètres. Pour finir, cette découverte est aussi connue pour avoir valu le prix Nobel à Anthony Ewitch et un de ses collègues, oubliant la femme de l'équipe, Jocelyn Bell, un classique de l'histoire des sciences, mais qu'il ne faut jamais oublier de dénoncer. Pour citer Martin Harwit, donc la personne dont je me suis inspiré pour faire cette chronique, quand il parle de découvertes astrophysiques majeures, c'est moi qui traduis. La plupart de ces découvertes ont été de grosses surprises, ce qui montre que l'anticipation théorique a assez peu à voir avec les découvertes. Ce qui emporte le plus est la mise en place de puissants nouveaux outils. Ça ne veut pas dire qu'en astrophysique, on n'a pas aussi nos professeurs X qui prévoient un phénomène et attendent ensuite 40 ans que les instrumentalistes soient assez malins et les contribuables assez généreux pour que leurs prédictions soient vérifiées. Un exemple célèbre en astrophysique, la théorie d'Einstein avait permis dès 1911 de prédire la déviation de la lumière par un objet assez lourd, ce qui fut vérifié que 8 ans plus tard par Eddington. Bon, mais il reste quand même que plein de découvertes en astrophysique et en sciences d'une manière générale sont de grandes surprises, et c'est tant mieux. Aussi impressionnantes que soient ces prédictions, si les découvertes révolutionnaires en sciences devaient à chaque fois être spoilées par messieurs X et Einstein 40 ans avant, ça serait un peu comme regarder chaque épisode de Game of Thrones avec quelqu'un qui a déjà lu les bouquins. Ce phénomène d'agrandissement de l'espace des paramètres, c'est pas exactement la sérendipité dont parlait Alan. La construction de ces grandes poêles à paella que sont les ELT pour regarder les étoiles pourrait bien sûr révolutionner la façon de cuire la paella et permettre de trouver la solution à la fin dans le monde. Mais même si c'est pas le cas, la construction d'instruments énormes comme les ELT, comme le LHC, permet d'étendre de façon extraordinaire cet espace de paramètres accessible et de révéler dans le domaine où l'on cherche, astrophysique ou physique des particules, quasiment à coup sûr des surprises. Elle est donc nécessaire, combien même on n'a aucune idée de ce qu'on va y trouver. Nico, des dessins ? Deux dessins, un sur la création de l'HTML au CERN par Pouillot, et pourquoi ne pas mettre du HTML dans l'accélérateur de particules ? N'allons pas trop vite, Johnson. Sinon, les lapins se posent des questions sur la sérendipité. La sérendipité, c'est l'art de faire un maximum de bêtises. C'est pour ça que tu te fais tout le temps virer ? Oui, mais imagine que je découvre la pénicilline. Et bon, et pour les autres dessins, je vois que FIP me provoque encore, donc ce sera pour après. Ça marche. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Alors moi, pour rire, j'en avais une, Alan. Enfin, c'est pas vraiment pour rire, mais dans la visite avant, ils nous ont dit qu'un détecteur était fabriqué justement pour détecter un type d'expérience ou un type de particule et que c'était pas fait simplement pour détecter n'importe quoi en espérant trouver quelque chose, un peu comme ce que tu disais sur la sérendipité. Et du coup, je me dis, mais ce que tu dis, ce que tu as expliqué, c'était chouette, mais est-ce que ça marche pour le CERN? Et il me semble qu'ils ont en partie répondu quand même que non, si j'ai bien compris. Vous aurez tous reconnu la voix de notre ami Jonathan de VoyageCast. Je pense que Bruno est probablement la meilleure personne pour répondre à cette question. Si, c'est très ouvert en fait. C'est très ouvert. Donc comme je l'ai dit, il y a des modèles qui existent. Bon, il y avait un modèle qui avait été déjà bien testé dans des tas de domaines, etc. Donc il manquait que le boson de Higgs. Donc celui-là, on était assez bien guidé. Il manquait quand même sa masse qui détermine beaucoup des caractéristiques, comment il se désintègre, etc. Et donc là, on avait tout exploré et on voulait être sûr au moins que les expériences soient sensibles, c'est-à-dire puissent observer ça dans tous les cas de figure. Mais le boson de Higgs, ce n'est pas la seule recherche qui a LHC. Il y en a plein d'autres. Et là, comme j'ai dit, on a plein de théories possibles pour pallier les déficiences du modèle actuel. Et là, c'est très ouvert. Hein. Et puis, après, il y a aussi le flair du physicien. C'est-à-dire qu'on a rendu des expériences sensibles à des choses dont on pense qu'elles pourraient être intéressantes, même si elles correspondent à aucune théorie. Donc là, il y a de la sérendipité dans le sens où on essayait de se prémunir, enfin de se garantir qu'on pourrait trouver n'importe quoi. Donc en fait, les détecteurs, ils sont quand même sensibles à une très très vaste gamme. Bon, il y a un petit risque de passer à côté, parce que comme on l'a dit, on n'enregistre pas 1%, mais beaucoup moins que ça, 1 pour 100 000 des collisions. Donc on a essayé de couvrir vraiment de façon, avec des tas d'arguments un peu heuristiques hein, des fois. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Ce sera super rapide. Non. Alors, je vous propose qu'on enchaîne avec la chronique de David Loureiro. David, la parole est à toi. Merci, Alan. J'ai essayé de vous sélectionner 2-3 livres en lien minimum avec ce dont on vient d'entendre parler. Alors, des livres que j'ai lus, parce que je ne me permettrai pas de vous conseiller des livres que je n'ai pas lus. Le premier, c'est « À la recherche du boson de Higgs ». Je pense qu'on est au bon endroit pour ce genre de livre. C'est assez bien fait et en partie par des gens qui sont issus d'ici, notamment Laurent Vacavant qui est chercheur sous expérience Atlas. C'est un livre très bien, ça explique assez bien de quoi il s'agit, ce dont il est question et comment ils y sont arrivés. Un autre livre de Hervé Lenning cette fois-ci, alors je vais essayer de vous poster l'image en même temps, qui s'appelle L'univers des nombres, de l'Antiquité à Internet, donc ça c'est plus pour Nicotube. C'est pas mal, ça reprend un peu ce qu'il en est en mathématiques depuis assez loin. C'est bien, il y a des petites questions au fur et à mesure pour essayer de conserver un petit peu l'attention du lecteur, qui sont toujours sympas. Un autre qui est plus pour Joanne, c'est La réalité cachée de Brian Greene. Donc là, c'est plus la tête dans les étoiles, même si ça parle pas mal aussi de particules et des univers parallèles. Et puis un autre, parce qu'on est, on vous a raconté plein de choses. La science, c'est compliqué. Et finalement, il faut toujours vérifier quand même ce qu'on vous raconte. C'est L'imposture scientifique en 10 leçons. De Michel de Pracontal. Je pense que certains dans la salle seront d'accord avec moi. C'est un livre qui est plutôt pas mal, parce que ici au CERN, on a eu certaines annonces parfois qui ont été remises en question pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et c'est pas la faute des gens du CERN, c'est comme ça. Mais c'est intéressant d'y réfléchir et de se poser des questions finalement sur tout ça et se rendre compte que il faut regarder à 2 fois, il faut chercher, il faut se renseigner. Voilà, quelques livres à lire, vous n'allez peut-être pas lire tout, mais si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à écouter les épisodes de Lisez la science, j'en ai revu une partie. Merci. Le dernier, justement, porte sur l'imposture scientifique en 10 leçons de Michel de Pracontal, et c'est vraiment vachement c'est bien. Ça. On te retrouve, vous, sur le web, si on veut écouter le podcast? C'est assez simple, c'est lisezlascience.wordpress.com. Sinon, vous avez, pour ceux qui utilisent iTunes, vous cherchez Lisez la science et vous tomberez dessus. Sinon, vous me demandez. Merci beaucoup, David. Et puis, on va tâcher de finir à l'heure, on y est presque, mais on ne peut pas finir une émission de podcast science sans la traditionnelle quote. La quote, on a un quoteur en chef, un citeur en chef ce soir en la personne de Bertrand Nickvert qui a ouvert sa chronique avec une citation. On va l'écouter, nous en proposer une deuxième. Oui, avant la citation, est-ce que je peux me permettre de rajouter un livre dans la liste que vous avez proposée? Avec plaisir. Qui s'appelle Higgs, le boson manquant, aux éditions Belin. Je le cite d'abord parce que l'auteur, c'est Sean Carroll, qui est un excellent astrophysicien américain et très bon vulgarisateur. La deuxième très mauvaise raison, c'est que c'est moi qui l'ai traduit. Et la meilleure raison des trois, c'est qu'on a rajouté dans l'édition française des tas de petits dessins qui ont été faits par Lison Bernet, que je salue au passage, d'autant plus que c'est grâce à elle que je suis là ce soir. Et comme c'est une web radio dessinée, donc je voudrais lui faire ce petit hommage aussi en passant. Donc voilà, au moins une bonne raison, c'est qu'il y a plein de jolis petits dessins dans le livre Higgs, le boson manquant, chez Belin. Voilà, merci pour la pub. Alors, pour le quote, la citation, j'en propose une autre qui est également de Saint-Exupéry, citée de, tirée de Citadelle cette fois. La précédente était de Pilote de guerre. Force-les de bâtir ensemble une tour, et tu les changeras en frères. Erreur de l'un, réussite de l'autre, ne t'inquiète pas de ces divisions. Il n'est de fertile que la grande collaboration de l'un à travers l'autre. Et le geste manqué sert le geste qui réussit. Et le geste qui réussit montre le but qu'ils poursuivaient ensemble à celui-là qui a manqué le sien. Magnifique. Là, on a de quoi méditer, réfléchir jusqu'à la prochaine émission de Podcast Science. Un immense merci, Bertrand. Nico, avant de finir, peut-être un dernier mot sur les dessins. Nico, qui nous a démontré que le multitasking est un mythe, c'était dans l'épisode 132 que je vous invite à réécouter à l'occasion. Il est en train de vite poster un dessin avant de retrouver le micro. Il a une pile de dessins d'ailleurs. On t'écoute. Donc, on a eu un dessin de FIB sur les télescopes où il y a deux lapins, le lapin qui montre sa dernière création, le méga large télescope, qui est assez révélateur. Ce sur quoi FIB a enfin dit, donc ce sera pour toute la soirée, que oui, il a honte. En tout cas, le lapin. Sinon, Gleb note le fait que parmi la découverte complexe qui permet de trouver tous les secrets de l'univers et de la matière, et de l'autre côté, un truc qui permet de regarder des chats mignons, Alan a retenu la deuxième invention du CERN. Normal. Sinon, deux télescopes qui s'engueulent. Un qui dit que le plus important, c'est l'extrémi large télescope et l'autre que c'est l'extrémi small particule. C'est joli. Et enfin, une excellente nouvelle par les lapins de FIB. Le méga télescope a repéré le méga détecteur spatial. Excellent. Bravo à tous les dessinateurs, super inspirés comme toujours, c'est vraiment un régal. Est-ce qu'on n'a pas eu quelque chose de la part d'Inti sur Twitter ? T'as eu l'occasion de vérifier ? Il me semble avoir vu passer quelque chose sur Alexander Fleming, dont Inti se demandait si c'était pas en fait juste un gros dégueulasse qui cherchait un prétexte pour bouffer des sandwichs moisis. Voilà. Donc c'était en lien avec la découverte de la pénicilline. Sandwichs qui ne peuvent pas vraiment moisir, une autre émission de Podcast Science ou... Ça, c'en est encore une autre. C'était une autre soirée radio dessinée. Parfait. Ben avant de conclure pour de vrai, quelques remerciements et plugs rapidement. Merci à Aurélien, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pour l'organisation des visites, merci à Alexander Brown qui, malgré des ennuis de santé, nous a donné un sacré coup de main et nous a appris plein de choses sur le LHC pendant toute la journée. Merci à Benjamin pour la salle dans laquelle nous nous trouvons et les super visites et la conférence. Alors, merci à Julie. Là, je voudrais vraiment un tonnerre d'applaudissements. Pour toute la partie logistique. Sans elle, rien de tout ça n'aurait été possible. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à son appel et qui ont hébergé nos amis venus de loin. Merci à David Loureiro qui s'est occupé de la promotion de la soirée sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast de David, c'est une erreur. Ça s'appelle Lisez la science, liselascience.wordpress.com. Ça dure 20 minutes tous les 15 jours environ. Ça vous permet de gagner un temps précieux. David lit pour vous les ouvrages de vulgarisation scientifique et en dégage la substantifique moelle. C'est pas parce que c'est excellent que ça coûte cher. D'ailleurs, comme tout podcast qui se respecte, c'est gratuit. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas le consommer massivement. Merci à notre extraordinaire Pouillot, tout au bout de la table, qui a réalisé l'affiche et les images. Merci à Pascal, qui est caché ici devant, qui est venu d'Alsace tout exprès, qui s'est assuré que la chatroom fonctionne bien. Les dessinateurs de Strip Science et les autres, donc Pouillot, FIP, Mel, qui a dû nous quitter en cours de route malheureusement, Gleb, Inti, Randall Flag, Merci aussi à Pierre Kerner, le papa de Strip Science, cofondateur de ces soirées radio dessinées, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir. Par moments, je me dis qu'on aurait peut-être mieux fait de ne pas découvrir l'Amérique. Irène et Pierre auraient été des nôtres ce soir. Enfin, vous pouvez retrouver Strip Science à l'adresse stripscience en un mot tout collé, science au singulier, .café-science.org, science de café science au pluriel. Merci à tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu. Des applaudissements s'il vous plaît pour Bruno, Despina, Bertrand, Julia, ainsi que toute l'équipe ou presque de Podcast Science. Merci encore à Jonathan pour le coup de main technique. Jonathan, comme Gleb d'ailleurs, se promène avec des câbles XLR sur eux. C'est absolument formidable pour rattraper mes boulettes. Du coup, on a pu entendre les trois micros ce soir. Merci encore. Jonathan est bien sûr le papa des excellents podcasts VoyageCast, voyagecast.ch et Anthropodcast, anthropodcast.fr, auxquels vous avez d'autant plus intérêt à vous abonner tout de suite que c'est gratuit aussi, en plus d'être excellent aussi. Merci à Chalf, alias Yann Hurtaud, community manager d'un soir, qui a géré la chatroom d'une main de maître. Merci aux guides, aux chauffeurs qui nous ont conduits durant nos visites aujourd'hui. Bien sûr, merci au CERN de son accueil. Merci à vous tous, poditeurs chéris, qui avez fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Aux amis de la chatroom qui ont choisi de suivre Podcast Science alors que la nouvelle saison de Doctor Who reprenait pile ce soir sur la première chaîne de la BBC. Merci aux autres poditeurs quand même qui nous suivront après coup. Et enfin, surtout, surtout, et là je me lève, un immense merci à Xavier Durussel, l'infatigable community manager de Podcast Suisse, qui a été un chef d'orchestre absolument phénoménal pour cette opération. Rien de tout ceci n'aurait été possible sans lui non plus. Xavier, un immense merci. Si vous voulez vraiment faire plaisir à Xavier, visitez podcastsuisse.ch, likez Podcast Suisse sur Facebook et parlez autour de vous de ce collectif épatant. Last but not least, je profite des applaudissements et de la bonne humeur pour glisser deux derniers petits plugs, c'est vite fait, c'est promis. D'abord pour le Café des Sciences, le plus formidable collectif de blogueurs de sciences de tous les temps, que vous retrouvez sur café-science.org, sans arrobase. Et le dernier plug pour le prochain gros événement du collectif Podcast Suisse, il s'agit de la NIPConf, organisée par nos amis de NIPcast, cette famille de podcasts extraordinaires qui grandit un peu plus chaque jour. Ils vous concoctent un programme digne des événements internationaux dans la tech. C'est un privilège que de pouvoir y participer. Ça se passe à quelques kilomètres d'ici, à l'EPFL. Le code promotionnel Podcast Science, en un mot, vous permet de bénéficier de 50 francs de réduction sur le prix d'entrée. Donc filez sur nipconf.com pour de plus amples renseignements. Côté Podcast Science, les lives reprennent dans deux semaines, le mardi 9 septembre prochain. Attention, ce sera le mardi à partir de maintenant. L'équipe ouvrira les feux avec deux dossiers géniaux d'Irène sur les hormones. Le premier sur la pilule, le second sur l'orientation sexuelle. Alors stay tuned et à très bientôt. Enfin, pour faire plaisir à Aurélien, à tout bientôt, comme on dit en Suisse. Et que servir la science soit votre joie. C'est la première soirée radio dessinée qui commence à peu près à l'heure et qui finit à peu près à l'heure. Bravo Xavier. Et où il n'y a pas de problème technique aussi. Et où il n'y a aucun problème technique. Bravo à tous.